Pas de midi. Sans info. Bonjour, ici Michel Séauger. Bienvenue à Pas de midi sans info pour le mercredi 16 janvier. Une émission qui va porter en deuxième heure sur, je vous le dis tout de suite, sur le financement des universités. Ce sera l'une des rencontres thématiques préalables au sommet sur les universités qui va porter cette semaine sur le financement. Alors, position de la CREPUC, des recteurs, position de la FEUC, les étudiants. On va parler de tout ça, donc, à midi 10 après le grand bulletin d'information. On ira aussi à Washington, où le président Obama va autour de midi proposer ses propositions, son projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Évidemment, il faut toujours se rappeler qu'aux États-Unis, le président propose et le Congrès dispose. On parlera de la situation au Mali aussi. Mais d'abord, en studio avec nous, Martin Cochon, le candidat à la direction du Parti libéral. Monsieur Cochon, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Auger. On revient avec vous dans quelques minutes, mais d'abord, Hélène Mercier, bonjour. Bonjour, Michel. Vous avez regardé, vous, le site de l'ACDI. Vous avez trouvé quelque chose d'assez amusant. Bien, amusant, c'est une façon de parler. Oui, en fait, le 21 décembre, sur le site de l'Agence canadienne de développement international, il y avait une lettre du ministre Julian Fantino, une lettre qui était une réponse directe à la députée Hélène Laverdière, qui avait écrit dans les médias que l'ACDI se transformait pour le pire. Et donc, le ministre conservateur, dans sa lettre, s'adresse directement à l'opposition officielle en titrant « Cher NPD, l'ACDI n'a pas besoin de vos conseils économiques. » Il écrit plus bas qu'il ne comprend pas qu'un parti qui souhaite imposer aux Canadiens une taxe carbone se permette de parler de développement économique à d'autres pays à travers le monde. Et sur Twitter hier, plusieurs internautes, dont certains analystes politiques, se sont demandé ce qu'une réponse de la sorte très partisane faisait sur un site gouvernemental, donc celui de l'ACDI. Est-ce que le ministre peut utiliser le site de l'ACDI ainsi? Pas de réponse pour le moment, mais le lien ne fonctionne plus. Cette lettre-là, elle n'est plus sur le site de l'ACDI, mais la lettre en anglais est disponible par ailleurs pour ceux que ça intéresse sur le site du Huffington Post. Merci. La course à la direction du Parti libéral du Canada va bientôt commencer. En fait, ça commence pour vrai en fin de semaine avec un débat à Vancouver. Lui, il aura attendu la toute dernière minute pour remplir les formalités nécessaires pour y participer, mais il sera bien et bien là, puis il est avec nous en studio. Notre invité, bien sûr, est Martin Cochon, avocat, ancien ministre de la Justice dans le cabinet de Jean Chrétien, et aujourd'hui, candidat à la direction du Parti libéral du Canada. Monsieur Cochon, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été le dernier à entrer en lice, vraiment à la toute dernière minute, à la toute dernière seconde. Pourquoi? Puis je vais raffiner ma question. En quoi est-ce que le début de la course a fait en sorte que vous alliez plonger? Écoutez, parce que je vous connais assez pour savoir que vous avez pas plongé, vous n'êtes pas plongé par hasard. Écoutez, on peut parler d'effet de surprise. Je pense que c'est un effet de surprise qui est tout à fait réussi. L'autre élément aussi, c'est que contrairement à certains candidats, moi, je suis pas député présentement, je suis à l'extérieur de la Chambre. Donc, j'ai une vie aussi dans le secteur privé. J'avais énormément d'engagement au cours de l'automne. J'ai voyagé aussi énormément. Et l'autre élément aussi, c'est que j'ai de l'expérience. J'ai été 10 ans à la Chambre des communes. J'ai été ministre aussi, comme vous le savez, fait partie de certains cabinets. Je connais ce que ça veut dire. Je connais l'engagement. Je connais également, en termes de temps, ce que ça demande et également ce que ça implique pour la famille. Donc, j'y ai longuement réfléchi. C'est un secret de polichinelle que je voulais faire ça un jour. Michel, je pense que c'était bien connu. Donc, j'ai longuement réfléchi. J'ai pris la période des fêtes aussi. Et je le sens, je le veux. C'est ce que je veux faire. Je veux diriger mon parti, le Parti libéral du Canada, et je veux également diriger le pays. Si on était dans l'ancien règlement du Parti libéral, si on était dans le règlement actuel du Parti libéral du Québec, avec des délégués, les huiles du parti qui se rencontrent dans un congrès, vous auriez une meilleure chance. Mais là, on est dans un système complètement nouveau de primaire où les gens n'ont même pas besoin d'être membres du parti. Il leur suffit de signer une déclaration disant qu'ils adhèrent aux valeurs libérales. On voit un candidat, on ne le nommera pas, mais c'est Justin Trudeau, qui mobilise les jeunes. C'est peut-être un handicap d'avoir été ministre dans le gouvernement chrétien puis tout ça, alors que la plupart des gens qui risquent de voter à cette primaire-là ne se souviennent pas vraiment du gouvernement de Jean Chrétien. Non, d'abord, je pense que l'expérience, c'est un acquis. Je ne m'excuserai pas d'avoir de l'expérience politique, de connaître les rouages de l'appareil gouvernemental, mais non plus également les rouages du parti, parce que j'ai été président de l'aile québécoise du parti, comme vous savez. Deuxièmement, il n'y a pas d'unanimité autour d'aucun candidat. On entre dans une course, il y aura 9 candidates et candidats. Et c'est important, c'est-à-dire la course à la direction, d'avoir des gens qui viennent de tous les horizons politiques pour pouvoir partager des idées, ça me paraît un élément qui est fondamental parce qu'on doit utiliser la course justement pour un renouveau. Vous l'avez mentionné, le processus d'élection est complètement différent. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et je pense qu'il n'y a personne qui peut prévoir, qui va gagner en avril. Donc, moi, écoutez, je suis là pour gagner. Je pense que j'ai d'excellentes chances. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ça dépend combien on peut mobiliser de gens et beaucoup des jeunes. Vous avez 1000 abonnés Twitter, Justin Trudeau en a 180 000 ce matin. Comment vous pouvez penser qu'il est celui qui mène largement en termes de financement, en termes aussi de notoriété, on ne parlera pas de popularité, mais de notoriété. Vous arrivez en arrière, là, c'est clair. Alors, regardez, je pense qu'il y a 9 candidats. La course... En réalité, Michel, je pense que vous avez suffisamment d'expérience pour comprendre qu'au moment où on se parle, la course commence réellement. J'aurai l'occasion de faire mes propres levées de fonds. Vous verrez comment est-ce que ça va de ce côté-là. Mais également, j'aurai l'occasion, puisque je suis à l'extérieur de la Chambre des communes, donc je serai sur le terrain à 100%. J'aurai l'occasion de circuler au Canada, un peu partout. Et moi aussi, j'aurai ma propre stratégie de médias sociaux. Donc, écoutez, on lutte essentiellement... Vous partez de plus loin, là. Mais on lutte à armes égales. À mon point de vue, la course commence aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu énormément d'intérêt cette semaine parce que la date limite était dimanche dernier. Donc, la course est effectivement bel et bien lancée. Il y aura le premier débat dimanche. Je me considère exactement sur le même pied d'égalité que tous les candidats des candidats. Un autre handicap que d'aucuns soulignent à propos de votre candidature, bien des gens disent que ce serait complètement différent s'il avait battu Thomas Mulcair dans Outremont la dernière fois, mais là, il n'est pas député. Il est jusqu'à un certain point quelqu'un du passé du Parti libéral et pas de son avenir. Bien, écoutez, je ne suis pas le premier qui essaie de devenir chef du parti qui est à l'extérieur de la Chambre des communes. Brian Mulroney est devenu chef du Parti conservateur, il était à l'extérieur de la Chambre. Quand Jean Chrétien est revenu en politique aussi, il était à l'extérieur de la Chambre. Pour ce qui est de ces gens-là n'avaient pas été battus. Laissez-moi terminer. Pour ce qui est, en fait, Robert Bourassa a été premier ministre du Québec, a été battu dans son propre comté. Et dans le monde, quand vous faites le tour, il y a bien des leaders également qui ont déjà été battus. Je pense que ça ne veut strictement rien dire, considérant d'autant plus que la dernière campagne électorale, on le savait que ce ne serait pas facile. Vous savez, vous pouviez être candidat à NPD dans un comté, jamais y aller, être élu, ou encore passer 2 semaines en vacances aux États-Unis et être élu quand même. Donc, les gens comprennent qu'il y avait un phénomène qui était irrationnel, probablement le phénomène de Monsieur Layton, qui était unique. Et les gens comprennent aussi dans le parti qu'on savait que ce serait difficile, mais ils acceptent et comprennent le fait que j'ai décidé, nonobstant cette réalité-là, de en fait rouler mes manches et d'aller me battre dans la famille libérale. Ça, je pense que c'est drôlement important. Est-ce que vous êtes là pour battre Justin Trudeau ou vous êtes là comme candidat pour être l'alternative au cas où Justin Trudeau se ferait frapper par un autobus? Vous savez ce que je veux dire, là? Une campagne qui déraille, ça arrive. On a dit beaucoup de M. Garneau qu'il était là, un peu là, le pneu de secours de la course. Si ça va pas bien avec Justin, il y aura toujours ce gars-là. Est-ce que vous faites campagne pour ça? Non, M. Auger, je fais campagne pour gagner. Et si j'ai décidé d'y aller, je vous ai expliqué au début que j'ai longuement mûri cette décision-là parce que je sais ce que ça veut dire en termes d'engagement. Si j'ai décidé d'y aller, c'est pas pour figurer. J'ai décidé d'y aller parce que je veux gagner. Donc, je vais me battre jusqu'à la fin. Et mon feeling, mon instinct, c'est que je serai le chef du Parti libéral. En 1980, le Parti libéral du Canada avait 74 des 75 sièges au Québec. Depuis 1982, le rapatriement de la Constitution, il n'a plus jamais eu la majorité des sièges au Québec. C'est plus jamais arrivé. C'est une des premières choses qu'un chef libéral fédéral va devoir régler, c'est la question du Québec. Comment ramener les Québécois au Parti libéral du Canada? Bon, question fondamentale, question importante. Un des gros problèmes du Parti libéral du Canada présentement, c'est la question du Québec, évidemment. Et il faut s'assurer que lors de la prochaine campagne électorale, on puisse retourner au Québec et changer la perception qu'ont les gens que le Parti libéral du Canada est un parti extrêmement centralisateur. Moi, je fais partie de ce que j'appelle la vision souple, une vision qui est un fédéralisme de coopération. Et quand on parle également, je me rappelle quand M. Martin a fait l'accord sur la santé puis a commencé à parler d'asymétrie avec le Québec, les gens montaient aux barricades. Je pense qu'il faut arrêter ça. Vous savez, la question de l'asymétrie, c'est tout simplement vouloir dire qu'on respecte les particularités d'une province. La question de l'asymétrie, par exemple, ça existe dans la Constitution aujourd'hui telle qu'on la connaît. Donc, il faut établir, mettre en place un fédéralisme beaucoup plus coopératif, beaucoup plus respectueux des provinces, du Québec et de l'ensemble des provinces. Pourquoi? Parce que, vous savez, fut un temps où on avait le Québec qui était une province forte, qui revendiquait, mais aujourd'hui, vous avez l'Ontario, vous avez l'Alberta, vous avez la Colombie-Britannique, et c'est pour ça que, écoutez, quand on a créé le Conseil de la Fédération, je trouvais que c'était génial, parce que ça permettait aux provinces d'avoir leur propre forum, de s'unir autour de certaines questions, et de changer l'équilibre du pouvoir par rapport à Ottawa. On doit avoir un gouvernement qui s'inscrit davantage dans l'esprit de ce que j'appelle une vraie fédération. Est-ce que ça signifie faire des efforts pour que le Québec devienne partenaire de la Constitution de 82? Michel, poser la question, c'est y répondre. Vous savez, quand vous avez une maison, vous avez une fondation, si la fondation a des craques dedans, je pense que c'est préoccupant. Et quand on parle d'un document constitutionnel, c'est l'élément fondamental d'un pays. Donc, le but, c'est de faire en sorte qu'on puisse ramener effectivement le Québec dans la Constitution canadienne. Est-ce que maintenant, on doit ouvrir la Constitution au moment où on se parle? Je pense que le moment n'est pas encore venu. Cependant, il faut commencer à aller chercher de la crédibilité. Et chercher de la crédibilité, c'est de démontrer de l'ouverture d'esprit par rapport aux différentes revendications des provinces qui, dans bien des cas, sont mieux placées que le gouvernement canadien. Il faut aller chercher un juste équilibre entre maintenir le Canada, maintenir la fierté canadienne, continuer à bâtir ce beau grand pays ensemble, tout en respectant ses composantes, un fédéralisme coopératif. On a dit beaucoup de vous que vous alliez essayer d'être le candidat plus à gauche dans le Parti libéral, dans cette course libérale. En même temps, on voit le NPD de M. Mulcair qui s'en va vers le centre. C'est un terrain qui risque d'être pas mal occupé, ça. Bien, vous savez, en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de venir sur le terrain du Parti libéral. Le Parti libéral est un parti qui a deux ailes, et le Parti libéral fonctionne bien lorsque les deux ailes battent ensemble, l'aile gauche et l'aile droite. Moi, c'est bien connu. Vous savez, au niveau de l'économie des finances publiques, je suis quelqu'un qui est pragmatique et responsable. Je pense que c'est important. Mais également, au niveau social, je suis progressiste. J'en ai fait la démonstration quand j'étais ministre de la Justice. Pour moi, vous savez, je suis comme ça. C'est que j'y changerai rien. Donc, je n'essaie pas d'être le candidat progressiste. C'est ce que je suis fondamentalement. Le Parti libéral a une grande tradition d'alternance entre un chef francophone et un chef anglophone. C'est le tour d'un francophone? Je pense que c'est le tour de la meilleure personne pour diriger le parti. C'est ce sur quoi les militantes et militants devront se pencher en avril. Et aussi, comme vous l'avez mentionné au début, en vertu du processus électif qui est nouveau, la population canadienne sera invitée. Martin Cochon, candidat à la direction du Parti libéral du Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Auger. Un plaisir. Vous écoutez Michel Séauger sur la première chaîne de Radio-Canada. Le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard, va-t-il déclencher une enquête publique pour faire la lumière sur les contrats informatiques que le gouvernement précédent a passés avec des compagnies privées? C'est ce que le syndicat de la fonction publique du Québec lui demande pour mieux comprendre pourquoi les coûts ont explosé et aussi se faire expliquer pourquoi les contrats sont donnés à seulement quelques entreprises. On en parle avec le président du Conseil du Trésor, Stéphane Bédard. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour, Monsieur Auger. Vous n'avez pas fermé la porte à une enquête publique, mais vous dites pas maintenant. Voilà, mais rien n'est exclu, mais on s'est attaqué au problème, effectivement. Dès le départ, il y a un constat qui a été fait où l'ancien gouvernement a littéralement laissé aller les choses. Les coûts, dans certains cas, ont explosé. Vous avez même vu dans le domaine de la justice où on a, radié tout près de 50 millions en pure perte pour du travail informatique qui n'a pas servi. Tout ça dans un contexte où on faisait de la mauvaise gestion, des mauvais suivis, où les ressources à l'interne étaient insuffisantes. Et il était évident qu'il faut agir sur tous les fronts. Et actuellement, on est en train de mettre un plan d'action qui est global, qui est celui d'être capable justement de réacquérir pour les différents ministères, pour la fonction publique, des ressources à l'interne pour être capable de mieux définir les besoins, de les suivre, d'être capable aussi, au départ pour les gestionnaires, d'avoir un modus operandi qui est beaucoup plus fiable sur la définition des besoins et suivi des dossiers qui peuvent être problématiques. Et évidemment, on va travailler sur le secteur de la concurrence. Comment on peut maximiser cette concurrence-là dans un contexte où tu as beaucoup de gros joueurs et pas beaucoup de moyens et très peu de petits. Mais est-ce que le syndicat de la fonction publique n'a pas raison quand il dit on est dans le même système que la construction? C'est-à-dire la concurrence est limitée. La moitié des contrats du gouvernement vont à trois firmes seulement. Le gouvernement est dépendant envers le privé. privé. À un moment donné, ça sent la commission Charbonneau, ça, là. Regardez, et ce qui se ressemble du secteur de la construction, est-ce qu'il se ressemble pas? Ce qui se ressemble pas, c'est que là, c'est que vous savez, dans le domaine de la construction, c'est un domaine, malheureusement, qui a été envahi à certains, dans certains coins géographiques par des groupes associés au crime organisé. Et ça, c'est dramatique pour une société. C'est pour ça qu'il faut agir autrement que par des gestes administratifs. Là. Quand tu fais affaire avec la mafia, c'est pas bon pour ta société. C'est la pire chose qu'on peut imaginer collectivement. On n'est pas dans le même cas. Là. C'est pour ça la différence, elle est de cette nature-là. Ce qu'il faut s'assurer, c'est une meilleure étanchéité entre les compagnies à qui on donne les contrats, mais aussi et avec ceux qui les donnent. Et donc, c'est pour ça que ça prend des ressources à l'interne où on est capable de garder nos gens et qu'il n'y ait pas de va-et-vient non plus entre les compagnies et les différents ministères qui sont chargés de mettre en opération des systèmes informatiques. Monsieur Bédard, c'est pas la même chose que la construction, mais en même temps, les consultants en informatique sont dans un domaine tellement pointu qu'à un moment donné, ils peuvent faire des affaires qui ne sont pas nécessairement nécessaires non plus. Le bug de l'an 2000, on s'en souvient tous, on a eu une peur bleue de ça, puis c'est jamais rien passé. Et il y a beaucoup de consultants en informatique qui ont fait beaucoup de sous, par exemple. Et c'est pour cela qu'il faut jamais être dépendant de l'externe à ce niveau-là. Il faut être capable d'évaluer les solutions, mieux définir tes besoins. Et là, je le dis encore, le gouvernement libéral n'a pas agi là-dessus. Quand on laisse aller les choses, quand on se détourne d'un problème, c'est rare qu'il se règle. Le problème dans le domaine informatique, c'est que quand tu t'en détournes, ça coûte plus cher, puis tout le monde est content. Un consultant, vous savez, quand vous avez des problèmes, lui, c'est plus de facturation. Bien il sûr. Va tout vous les régler à la limite, ça va prendre plus de temps, puis il est content, tout le monde est heureux, il facture à l'heure. Donc, il faut se sortir de cette dynamique infernale qui a fait en sorte que l'État québécois a perdu des dizaines de millions de dollars. Là. Mais comment expliquer? L'an passé, un projet de 40 millions radié, là, 45 millions littéralement, où on a dit on recommence à zéro. Alors, c'est gênant, c'est de l'argent public. On ne peut pas en arriver là. Donc, mais moi, je n'exclus pas le recours ultime. S'il y avait des informations, moi, qui me viendraient de sources policières, qui pourrait m'amener à croire qu'il faudrait qu'il serait pertinent de demander à la commission Charbonneau de s'intéresser à ce sujet-là. Je n'hésiterai pas une seconde et c'est ce que j'ai dit hier. Donc, la porte n'est pas fermée. Moi, ce qui est important aujourd'hui et dans les prochaines semaines, c'est d'agir concrètement sur les quatre axes que je vous ai donnés, donc ressources à l'interne, définition des besoins, meilleur suivi et amélioration de la concurrence. Monsieur Bédard, comment expliquer qu'au Québec, il y a entre 50 et 55% des projets gouvernementaux qui se font faire par le privé et ailleurs en Amérique du Nord, c'est entre 8 et 35%. Puis quand c'est fait par le privé, deux tiers des projets respectent pas les paramètres initiaux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le vérificateur général. Exactement. Ben c'est parce que, et là, ça va être un peu plat ce que je vais vous dire, mais cette situation-là dure depuis des années. Et il y a eu un choix qui a été fait par le gouvernement libéral, c'est de ne pas agir. Donc, quand elle oui, mais pas, comment, on fait pour, comment on fait pour ramener l'expertise au secteur public quand on a des problèmes financiers qu'on sait actuellement, puis qu'on essaie de réduire les effectifs de la fonction publique? Et voilà le contexte que vous définissez bien. Donc, moi, je suis pas pris dans les grandes années de croissance qu'on a vues dans les dernières années où le gouvernement libéral a eu des montants supplémentaires en termes de revenus. On est dans une situation dans les prochaines années où les revenus vont avoir tendance à se maintenir ou à se contracter au pire. Donc, avec une situation d'endettement qui est très élevée. Donc, oui, on a à ce moment-là un défi qui est celui d'être capable, en termes de gouvernement, de fixer ça comme priorité et de dire il faut agir dans ce domaine-là parce qu'en même temps, ce qui est avantageux, par contre, et ce qui est bien vendeur, oui, quand tu fais un ajout d'effectifs, il y a des coûts associés à ça, mais en termes de rentabilité, en mauvais français, je vous dirais, c'est un payback très rapide. Là. Plus de ressources à l'interne, meilleur contrôle, coût contrôlé veut dire aussi en même temps économie pour les citoyens. Donc, à terme, c'est un investissement qui peut être payant s'il est bien fait. Donc, seulement engager ne serait pas suffisant. C'est pour ça que moi, je compte agir sur quatre plans à très court terme là-dessus. Une des choses qui ferait épargner de l'argent au gouvernement, c'est de recourir aux logiciels libres qui ne coûtent rien, donc qui font le travail en traitement de texte, en toutes sortes de domaines et qui ferait économiser beaucoup d'argent au gouvernement. Le gouvernement précédent était très réticent à aller là. Ben, il était réticent, puis dans les faits, encore une fois, il n'a pas agi concrètement, et souvent, il y a des délais qui font en sorte que tu te retrouves face à une seule solution. Le logiciel libre, il n'y a rien qui coûte rien, parce que le logiciel libre, évidemment, les solutions en tant que telles coûtent rien, mais il faut les adapter, donc ça te prend des plus de ressources en interne pour les adapter. La deuxième, il y a aussi au niveau du maintien, il y a des coûts associés au maintien. Dans certains secteurs, Il y a beaucoup de demandes. La prestation de services met à risque, je vous dirais, le service qu'auront aux citoyens par rapport à la solution informatique. Donc, c'est tout ça qu'il faut regarder dans un domaine où on est dépendant des avis qui nous sont donnés. Vous comprenez que moi, je suis pas un spécialiste dans le domaine informatique, puis même si j'en étais un, il y a des domaines dans lesquels où chacun a leur spécialité. Donc, il est évident que notre volonté, nous, c'est faire plus de place dans, au logiciel libre, et on va agir sur cette question. C'est évident que ça fait partie de la solution. Stéphane Bédard, président du Conseil du Trésor, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, M. Auger. Au revoir. Au revoir. Hélène, on n'a toujours pas dit quelle était la question du jour. Mais non, et je vous entends, auditeur, vous vous le demandez, vous avez envie d'y répondre. Alors, c'est sûr. On vous demande, pensez-vous que les universités québécoises sont sous-financées? C'est ce qu'on entend beaucoup. Nouvelle étude, donc, de la CREPUC qui nous parle de 850 millions en sous-financement si on se compare au Québec aux autres universités canadiennes. Vous qui les fréquentez ou qui les avez fréquentées, ces universités, qui avez lu là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles sont sous-financées? Vous pouvez nous appeler au 1-855-295-5206. Ça, c'est la boîte vocale. Nous envoyez votre réponse par courriel à midiinfo@radio-canada.ca. De vive voix, c'est aussi possible avec l'application Radio-Canada Radio pour ceux qui ont des téléphones intelligents, bien sûr. Et le clavardage est là pour tout le monde à radio-canada.ca/midiinfo. Il n'y a pas de midi sans actualité internationale. Et s'il y a de l'actualité internationale, c'est que Caroline Chrétien est au bout du microphone à Ottawa. Bonjour Caroline. Bonjour Michel. On va commencer aux États-Unis. On ne va pas parler de l'annonce du président Obama sur le contrôle des armes à feu parce qu'elle n'est pas encore faite. Mm-hmm. Mais on va parler plutôt de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Sandy. Il y a eu un vote de la Chambre des représentants hier. Oui, ce même vote qui avait été retardé par le président de la Chambre des représentants, majorité républicaine. Là, on a voté pour ce fonds de 51 milliards de dollars. Ça devrait passer assez facilement l'étape du Sénat, qui, lui, est à majorité démocrate la semaine prochaine, et donc ratification qui est prévue relativement bientôt par le président Obama. Mais ce qu'on raconte, c'est que, bon, maintenant, on a voté. C'est passé à 241 contre 180 voix. Donc, il y a une majorité de démocrates qui ont appuyé ce projet de loi-là. Mais il y a quand même 49 républicains qui l'ont appuyé. Donc, on sentait que la division, elle était encore bien présente. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs républicains qui pensent toujours que le fonds devrait comporter une uniquement des mesures d'urgence, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Il y a des mesures qui prévoient du développement à plus long terme et ça frustrait beaucoup de républicains. Et ce vote-là, bien, il fait dire à plusieurs justement que les divisions au sein du Parti républicain à la Chambre des représentants, ça va se poursuivre cette année, ça va se poursuivre à l'avenir et que ça pourrait même, j'ai vu le mot chaos quelque part dans mes recherches. Maintenant, comme je vous le disais, ça devrait passer assez facilement l'étape du Sénat. Passons maintenant au chapitre Séraphin Poudrier de notre chronique. En Allemagne, la Banque centrale a décidé de mettre fin à une pratique qui remontait à la guerre froide. Ça conserve les réserves d'or. Oui, la Bundesbank qui va rapatrier d'ici 2020 toutes ses réserves qui sont entreposées à Paris et une partie de celles qui se trouvent à New York. Ça représente grosso modo 200 milliards de dollars en valeur. Une pratique qui remonte aux années 50 lors de la guerre froide parce qu'on voulait mettre cet or-là hors d'atteinte de l'Union soviétique. Sait-on jamais, on avait peur de se faire voler ces réserves-là, donc on les a placées auprès des pays occidentaux qui étaient des alliés. Les plus vieux se souviendront que la Pologne avait mis ses trésors dans les caves du Musée du Québec dans le temps de M. Mm-hmm. Duplessis. Comment la banque a expliqué sa décision, la Bundesbank? Bon, pour ce qui est de Paris, on dit qu'il y a une absence de possibilité de change parce que les deux pays utilisent l'euro, donc ça ne servait à rien de conserver des lingots d'or à Paris. Et il y a d'autres hypothèses qui circulent. Question de contrôle peut-être parce que l'année dernière, l'équivalent du vérificateur général avait dit que l'Allemagne devrait surveiller de plus près ce que les pays étrangers font de son or. Et là, il y en a certains qui parlent peut-être d'une réaction en chaîne à venir parce que l'Allemagne, c'est quand même elle qui avait les plus importantes réserves en or après les États-Unis. Ouais. Allons en Europe pour parler de viande contaminée. Ça sonne une cloche chez nous avec ce qui s'est passé avec l'usine d'Excel Foods en Alberta. Mais il y a aussi un scandale qui touche la viande de bœuf et qui secoue l'Europe. Oui, mais c'est pas mal là que s'arrête la comparaison, par contre, parce que là-bas, c'est de la viande qui est contaminée pas à une bactérie quelconque, mais plutôt à de la viande de cheval ou encore à de la viande de porc. En fait, on a découvert qu'il y avait 475 000 $, en fait, l'équivalent de ça, de viande hachée, de steak, de bœuf qui avait été contaminé. contaminés à de la viande de d'autres animaux dans les supermarchés Tesco au Royaume-Uni et en Irlande également. Là, on est en train de remplacer les produits, mais Tesco dit déjà que ça va faire très mal à ses supermarchés. Les ventes ont déjà diminué et les autorités alimentaires ont lancé une enquête. On dit que le problème serait du côté de fournisseurs tiers qui sont installés ailleurs en Europe, mais pour l'instant, on ne sait pas encore lesquels. Mais il n'y a pas de danger pour la santé. C'est juste du mélange de viande de cheval, par exemple, avec de la viande de bœuf. Oui, pas de danger pour la santé, mais le scandale n'en est pas moins important parce que pour ce qui est de la viande de porc, il y en a plusieurs qui ne la mangent pas pour des raisons religieuses, alors ils sont en colère. Et la viande de cheval, plusieurs veulent tout simplement pas en manger pour des convictions personnelles. Donc, les autorités prennent ça très au sérieux. On parle beaucoup avec la question du Mali de l'importance de faire avancer la démocratie en Afrique. Un nouveau rapport estime que c'est un des pays où elle a été le plus malmenée cette année, le Mali. Oui, le Mali, rapport du groupe Freedom House, qui est un groupe américain qui évalue la situation de la démocratie dans le monde depuis à peu près 40 ans. Et le Mali n'est pas seul. Selon le groupe, il y a plus de 2 milliards de personnes qui vivent dans 47 pays qui sont jugés non libres. Un déclin qui se poursuit depuis 7 ans, mais la particularité cette année, selon le groupe, c'est le printemps arabe, donc pour 2011-2012. Selon eux, ça a contribué à la mise sur pied ou encore au renforcement d'autocratie moderne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des régimes qui vont déformer ou qui vont abuser des cadres légaux qui sont en place, qui vont utiliser la propagande, la répression, mais de manière très sophistiquée. Et le système le plus sophistiqué probablement, et c'est selon Freedom House, ce serait la Chine. Au moment où de l'année où il y a beaucoup de gens qui s'en vont profiter des plages à Cuba, voici une nouvelle qui peut en inquiéter certains. Les autorités cubaines confirment qu'il y a une vague de choléra dans la capitale. Oui, 51 cas répertoriés à La Havane. Les autorités disent qu'il n'y a pas eu de victimes, mais il y a des médias qui s'avancent, qui disent qu'il y a eu un mort depuis le début janvier. Première vague depuis des décennies à Cuba et le coupable pourrait être un vendeur de nourriture qui était atteint du choléra. On sait que ça se transmet par la nourriture et par l'eau contaminée. Et ce que ça provoque, c'est une déshydratation très rapide qui peut tuer en quelques heures si on ne voit pas un médecin. Merci beaucoup, Caroline. Merci, au revoir. Hélène, on va parler plus tard dans l'émission du projet de contrôle des armes à feu du président Obama, mais vous voulez me parler de la NRA, de la National Rifle Association. Oui, c'est dans 20 minutes que le président donc, va présenter une série de mesures détaillées pour contrer la violence causée par les armes à feu, mais déjà, sur le site web de la National Rifle Association, ce lobby américain des armes, il y a une vidéo qui accuse le président d'être un élitiste hypocrite et le lobby s'en prend, sans les nommer, à Malia et Sacha, les deux filles du président américain. On peut écouter, Michel, un extrait de cette vidéo qui ne fait pas dans la subtilité. Are the president's kids more important than yours? Then why is he skeptical about putting armed security in our schools when his kids are protected by armed guards at their school? Protection for their kids and gun-free zones for ours. Alors, je vous traduis, Michel, ce qu'on vient d'entendre. La vidéo demande « Les enfants du président sont-ils plus importants que les vôtres? Alors, pourquoi est-il sceptique lorsqu'il s'agit de mettre des agents de sécurité armés dans nos écoles, alors que ces enfants sont protégés par des gardes armés dans leurs écoles? Protection pour leurs enfants et zones interdites aux armes pour les nôtres. » C'est comme ça que se conclut la vidéo de la National Rifle Association. Autre tactique, marchera pas, c'est à voir, mais donc on reviendra avec notre correspondante sur l'annonce d'Obama en fin d'émission. Peut-être que parce que les enfants du président sont des cibles potentielles. Peut-être. Notre ami Jacques Beauchamp est à la barre de l'émission Des Hôtels cet après-midi. De quoi allez-vous nous parler? On va vous parler, bien sûr, de ce plan-là, le plan Obama pour le contrôle des armes à feu. Je vous écoutais démagogie, des fois peut-être aussi, hein, quand on utilise ce genre de stratégie. Mais ça montre à quel c'est point, pas la Michel... première fois. Ben non, ça montre à quel point c'est un sujet sensible et que les intérêts sont importants dans ce dossier-là. Mais on verra jusqu'où ira M. Obama, les chances de réussite aussi de ce qu'il proposera. On vous parlera de ça. La situation au Mali, évidemment, on y reviendra également avec des témoignages qu'a recueilli Sophie Landlois là-bas, témoignages de gens qui ont été victimes de cette occupation du nord du pays par les islamistes depuis bientôt un an. On reviendra aussi sur les raisons pour lesquelles on s'engage ou pas dans un conflit comme celui-là. Pourquoi la France a choisi d'être au Mali? Pourquoi le Canada choisit en quelque sorte de ne pas y être? Le Canada et plein d'autres pays d'ailleurs. Pourquoi on choisit l'Afghanistan? Pourquoi on choisit le Mali? Pourquoi on ne le choisit pas? Réflexion autour de ces questions. Le mea culpa du FMI, vous vous souviendrez peut-être que la semaine dernière, l'économiste principal du Fonds monétaire international disait « On s'est trompé ». On avait sous-estimé l'impact qu'auraient les mesures d'austérité qu'on demandait aux pays du sud de l'Europe essentiellement. On pense tout de suite à la Grèce. On a pensé inviter Ricardo Petrella aujourd'hui pour réfléchir justement sur ce qu'il faut comprendre de ce mea culpa, ce qu'il est sincère. Et il y a eu toute une réflexion à la suite de ce mea culpa-là que vous avez peut-être vu dans les journaux qui disait... Il y a des gens qui ont souffert énormément dans ces pays. Et les gens qui prennent ces décisions, le FMI, mais ils ne sont pas seuls, qui mettent en place ces mesures d'austérité très fortes, n'ont aucun degré de responsabilité. Ils s'excusent, mais finalement, il y a des gens qui ont souffert durement et personne n'est tenu responsable. Eux sont encore dans leur bureau climatisé à Washington. Exactement. Ouais. Donc, on va en parler. Quoi d'autre? Aussi, l'exploitation pétrolière les municipalités, avec l'exemple de Gaspé, bien sûr, qui interdit, qui ferme ses portes aux pétrolières. Il y a toute une réflexion aussi qui s'amorce du côté des municipalités. De ce côté-là, on en parlera. On vous écoute à partir de 15h à Montréal et 17h sur l'ensemble du réseau. Merci, Jacques. Merci, Michel. Vous avez un commentaire? Composez le 1-855-295-5206. Crise malienne maintenant. Après 5 jours de bombardements aériens, l'intervention militaire française au Mali s'étend maintenant au sol. Des unités spéciales françaises ont engagé des combats au corps à corps avec des combattants islamistes à Diabali, la ville prise lundi par les rebelles. En même temps, plus au nord, dans le sud de l'Algérie voisine, cette fois, des militants islamistes provenant du Mali ont attaqué mercredi matin, donc ce matin, un champ de gaz naturel exploité partiellement par le géant britannique BP, tuant 2 personnes et kidnappant au moins 8 employés étrangers. Pour faire le point sur la situation, on rejoint Mamadou Gazibo, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et spécialiste de l'Afrique. Monsieur Gazibo, bonjour. Bonjour, M. Auger. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Français décident d'intervenir aussi rapidement au Mali et d'aller directement au sol, de ne pas se contenter de frappes aériennes? Mais rappelez-vous, ce qui a précipité l'intervention française, c'est que les islamistes ont attaqué la ville de Kona, qui était un peu sur la ligne de démarcation qui jusqu'à présent séparait le nord occupé par les islamistes et le sud. Et Diabali, quand vous regardez la carte, est bien au sud en fait de cette ligne de démarcation. Donc c'est un peu comme si les islamistes avaient réussi à contourner la ligne de front qu'on pensait stabilisée et qu'ils s'étaient plus rapprochés de Bamako qu'ils ne l'étaient avant l'intervention française. Et en même temps, on voit que l'armée malienne, clairement, n'est pas en état de faire face à ces islamistes-là. Donc, je pense que les Français ont changé la stratégie qui, jusqu'à à présent, consistait à se concentrer sur des frappes aériennes pour affaiblir l'infrastructure islamiste et ont décidé de s'engager directement pour empêcher que Diabali ne devienne une base. Et l'autre élément, c'est que manifestement, selon les informations qui ont circulé, les islamistes ont, pour éviter les frappes aériennes, se sont un peu mêlés à la population, cachent leurs armes et leurs véhicules dans les domiciles des populations. Et donc, dans ces conditions-là, des frappes aériennes sont bien entendu inenvisageables. Et d'autre part, l'armée malienne ne semblait pas être en mesure d'aller se battre contre les insurgés, là. Une des explications, c'est consistait à dire, en fait, Diabali a été évacué par l'armée malienne pour et qu'il n'y a pas eu véritablement de confrontation. Mais ce que l'on voit depuis le début de cette crise, c'est que l'armée malienne n'existe tout simplement pas. En tout cas, elle n'a pas de capacité opérationnelle. On a vu à plusieurs reprises depuis quelques mois que à chaque fois qu'il y a une confrontation, les islamistes l'emportaient. Donc, très clairement, elle n'est pas en état et l'intervention française devenait inévitable. On a longtemps parlé d'une coalition de pays de l'Afrique de l'Ouest qui interviendrait au Mali. On en a parlé à l'ONU, même que ça a été approuvé par le Conseil de sécurité. Est-ce que cette idée-là est totalement finie, est totalement hors de propos avec l'intervention française? Ah, bien au contraire. Je pense que s'il y a un mérite à l'intervention française, c'est d'avoir accéléré le déploiement des forces africaines. Au début, on pensait surtout à des forces venant des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Mais là, depuis l'intervention française, ce que l'on voit, c'est que d'une part, ces pays-là accélèrent l'annonce de leur de l'envoi de leurs troupes. Le Niger a annoncé 500 hommes. Je pense que le Burkina Faso a annoncé 500 hommes aussi. Le Nigeria, qui est la puissance régionale, a annoncé l'envoi de 900 hommes. Beaucoup d'autres pays, le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Guinée, mais il y a aussi d'autres pays plus lointains comme le Tchad qui a marqué sa disponibilité, le Tchad qui devrait être un acteur majeur s'il intervenait parce que c'est un pays qui a l'expérience de ce genre de ces zones de combat, et même le Burundi qui est encore plus lointain et dont l'ancien président est le représentant spécial de l'Union africaine pour le Mali qui a annoncé aussi sa disponibilité à envoyer des troupes. Donc ce que l'on voit au contraire, c'est que cette force qui jusqu'à présent en fait était, on disait qu'elle n'était pas prête, qu'elle ne pourrait pas se déployer avant ou plus tôt le mois de septembre prochain, ce qu'on voit c'est que l'intervention française elle précipite son déploiement parce que les Français ils sont là, il y a la couverture aérienne, ils ont des moyens logistiques de communication. Donc je pense que au contraire, ce que on peut voir c'est que peut-être la campagne va commencer beaucoup plus tôt que ce que l'ONU et d'autres experts annonçaient. La France est le seul pays occidental actuellement à être allé au Mali. Bon, il y a un peu d'aide de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, même du Canada, mais la France essentiellement porte l'essentiel de cette intervention, le gros de cette intervention. Pourquoi est-ce que la France est seule? Vous savez, par le passé, on parlait de la France comme du gendarme de l'Afrique. Mais c'était une époque où la France intervenait à tort et à travers pour changer les régimes. Je crois que cette fois-ci, c'est un cas assez différent. On le voit d'ailleurs avec le soutien unanime de la communauté internationale, des Africains qui applaudissent pour la plupart. Je crois qu'il y a trois raisons principales qui expliquent le fait que la France y aille comme ça toute seule. La première est historique. On le sait, la France est l'ancienne puissance coloniale, pas seulement du Mali, mais de l'essentiel des États de la région. Il y a une dimension stratégique parce que le Mali, c'est pas juste le Mali, mais c'est aussi toute la région qui est menacée de déstabilisation. Le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, donc tous ces pays qui sont, on va dire, dans le giron français, qui sont importants pour l'influence française en Afrique et dans le monde en général, et aussi qui dans lesquels la France a souvent des intérêts économiques, même si je crois que dans cette fois-ci, ce n'est pas peut-être l'élément qui est essentiel qu'il faut mettre de l'avant. Et puis en dernier lieu, vous savez que les Français ont quelques otages, je crois qu'il y a une dizaine d'otages actuellement détenus par les islamistes dans la région. Imaginez un peu que Bamako tombe et que les milliers de ressortissants français qui vivent au Mali se retrouvent pris aux mains des islamistes. Ça, ça aurait été toute une autre affaire parce qu'ils auraient mis la main sur l'État malien, son infrastructure, ses aéroports, et ils auraient des milliers d'otages. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui n'était pas acceptable. En terminant, M. Gazibo, le Canada a un temps jonglé avec l'idée de participer à cette force. Finalement, il envoie un avion dans des zones de non-combat et pour une semaine seulement, dit le gouvernement. Quelle est l'importance pour le Canada de participer à cette mission de cette façon-là? Vous savez, on dit souvent que le Canada est gros parleur, petit faiseur. Le Canada avait à un moment évoqué l'idée d'envoyer des troupes, disons pas des troupes, mais des formateurs pour aider à restructurer l'armée malienne. Maintenant, on annonce un avion. Je crois que ça reste quelque chose de purement symbolique. Le Canada a suspendu sa coopération avec le Mali à la suite du coup d'État en mars dernier. Et je crois que, en fait, tout cela témoigne aussi du désengagement tout de même très important du Canada en Afrique depuis plusieurs années maintenant. Je pense que ça a commencé il y a assez longtemps et ça s'est accéléré avec le gouvernement conservateur. D'accord. C'est dommage parce que le Canada a des valeurs qu'il veut promouvoir et on l'a vu encore avec l'appel à faire pression pour qu'il y ait des élections transparentes. Mais écoutez, si vous voulez avoir de l'influence, ben il faut qu'il y ait plus que des paroles. Bien sûr. Et là, je pense que l'engagement n'est pas du tout à la hauteur du poids que le Canada voudrait avoir. Merci. Sur des enjeux comme ceux-là. Mamadou Gazibo, professeur au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, M. Auger. Au revoir. Au revoir. Hélène, si on veut suivre la crise malienne, il y a énormément de ressources sur Internet. Oui, des sites, des comptes Twitter, Michel Yaru89 qui en a répertorié quelques-uns. D'abord, le site africain Afrique avec un K.com qui apporte le point de vue des Africains sur ce qui se passe en ce moment. Ça peut être différent et intéressant de l'entendre. Il y a le compte Twitter d'un photojournaliste aussi qui couvre l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs années, Joe Penny. C'est intéressant et c'est aussi c'est beau visuellement de suivre ce compte Twitter. Il y a Radio France Internationale, RFI, qui a un dossier très complet, intéressant, toujours mis à jour sur son site. Et j'ajoute, moi, à cette liste de rue 89, le site du journal La Croix qui propose une carte détaillée de l'intervention française au Mali. On y voit où sont les militaires, ils sont combien. Et j'ajoute aussi le compte Twitter de notre collègue Sophie Langlois qui est arrivée à Bamako et elle alimente aussi le blog des correspondants de Radio-Canada. Tout ça, c'est sur notre site radio-canada.ca/midi-info. Les correspondants de l'ensemble du réseau suivent ce qui vous touche de près. On s'en va d'abord à Sept-Îles, où nous attend Sébastien Poulin-Fortin. Le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales, Alexandre Cloutier, demande au gouvernement Harper de lui fournir des évaluations d'impact, des impacts prévus par la réforme du système d'assurance-emploi sur l'économie québécoise. Évidemment, ça touche pas mal de monde par chez vous. Bien, effectivement, on parle des deux tiers de ceux qui réclament l'assurance-emploi par année qui sont dans l'Est du Canada. On estime que ce serait peut-être 40 % au Québec, donc on veut savoir évidemment quel pourrait être l'impact sur l'économie du Québec. On se dit que ça a probablement été calculé au moins en partie à Ottawa. Donc, des modifications qui sont entrées en vigueur, évidemment, au début du mois de janvier. Une réforme qui pourrait, évidemment, être lourde de conséquences selon les régions. Et là, je pense aux régions de l'Est principalement parce que les secteurs les plus visés sont les pêcheries, le tourisme, la foresterie aussi, où il y a beaucoup d'emplois saisonniers. Donc, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, l'Est du Québec de façon générale. Je vous laisse entendre Alexandre Cloutier. Le gouvernement du Québec se porte défenseur de ses travailleurs. Je vous rappelle que ça a de lourdes conséquences sur les finances publiques du Québec, parce que dois-je vous rappeler que des gens qui ne se qualifient plus à l'assurance-emploi, certains se retrouveront sans aucun chèque et d'autres se ramasseront carrément sur l'aide sociale. Évidemment, l'aide sociale, elle est assumée par le gouvernement québécois. Ben oui. Ça fait partie du calcul que l'on aimerait avoir. Déjà, les députés de l'Est sont mobilisés autant sur la scène fédérale que provinciale depuis plusieurs mois. Et on attend une rencontre entre Agnès Maltais, qui est ministre du Travail au Québec, et Diane Finlay, ministre des Ressources humaines au Canada, à l'origine de cette réforme. Donc, les deux dames devraient se rencontrer en février. Évidemment, l'assurance-emploi figurera certainement parmi leurs discussions. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. On s'en va à Ottawa, où est Marie-Lou Saint-Onge. Marie-Lou, il y a une manif autochtone un peu partout au pays, et il y en a beaucoup en Ontario. Et la police provinciale de l'Ontario a envoyé un communiqué de presse, justement, pour aviser les automobilistes qu'il pourrait y avoir des problèmes. Et pendant ce temps-là, il y a le chef des Premières Nations de l'Ontario qui a fait une vidéo YouTube pour répondre à ses détracteurs. En fait, c'est le commissaire de la police provinciale de l'Ontario qui a voulu répondre un peu aux accusations qui ont été formulées par un juge un peu plus tôt, comme quoi les policiers de la police provinciale de l'Ontario n'agissaient pas lors des manifestations d'Autochtones, n'avaient pas appliqué, entre autres, n'avaient pas fait respecter une demande d'injonction. Or, le commissaire de la police provinciale de l'Ontario, Chris Lewis, a dit, écoutez, nous, on travaille du mieux qu'on peut avec les moyens que nous avons. Il n'y a pas eu de blessés lors des manifestations. Alors, on va poursuivre sur cette veine-là. Alors, aujourd'hui, c'est journée nationale de manifestation dans les principales villes canadiennes, Montréal, Toronto, Regina, Edmonton, Vancouver, d'est en ouest. Il y a des manifestations autochtones. Il y a le chef de ontarien là, qui disait vouloir bloquer des ponts, des autoroutes la semaine dernière, entre autres le pont à Windsor là, qui relie Windsor et Détroit. Ça, c'est le pont le plus achalandé au pays. Mais là, il y a une des représentantes du mouvement Idle No More qui nous dit qu'il ne s'agira pas d'un blocus total, d'un blocage total. Le but, c'est d'éviter de trop incommoder la population. Et ça, c'est un discours que l'on commence à entendre chez certains autres chefs qui dénoncent le recours au blocus des membres des Premières Nations qui sont du même avis. Il faut dire que l'organisation de cette manifestation là aujourd'hui, c'est pour les Autochtones qui désirent maintenir l'intérêt pour le mouvement Idle No More. Mais la crainte, c'est de voir l'opinion publique basculer si des routes sont fermées ou encore s'il y a des ponts qui sont fermés. Et ça pourrait avoir beaucoup de répercussions. On sait que le mouvement Idle No More, c'est aussi la force du non. nombre. On a vu au cours des dernières semaines des étudiants, des politiciens, des non-autochtones donner leur appui aux revendications. Quoi qu'il en soit, prochain jour de manifestation, Michel, c'est le 28 janvier. Et ça, ce sera du côté d'Ottawa, bien entendu, pour le retour des parlementaires. Merci beaucoup, Marie-Lou. Je vous en prie. Allons à Trois-Rivières rejoindre Claudine Drolet. Le complexe Alphonse Desjardins à Trois-Rivières pourrait être affecté par la pyrotite. C'est un immense complexe sportif qui a ouvert ses portes en 2008. Ça a coûté 35 millions de dollars. Et là, cette semaine, on a fait des tests, des analyses. En fait, il y a une cinquantaine d'échantillons qui ont été prélevés parce que ce bâtiment-là a été construit durant la même période que les maisons qui sont affectées par la pyrotite. Vous savez, dans la région de Trois-Rivières, il y a 1000 maisons, bâtiments commerciaux qui sont affectés par la pyrotite. Et lorsqu'il y a problème de pyrotite, il y a des fissures qui apparaissent dans le béton. Il faut soulever la maison et refaire les fondations. Ça coûte des dizaines de milliers de dollars pour une maison ordinaire, là. Donc, imaginez un complexe de cette grandeur-là. Évidemment, ce n'est pas la même difficulté. Ce sont les planchers qui sont en béton. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit qu'il pourrait y avoir des travaux qui seraient faits de l'intérieur, mais ce serait un véritable casse-tête. Donc, on attend les résultats avec impatience. Ce sera connu d'ici 2 semaines. Beaucoup d'inquiétudes, donc, du côté de la ville. Et vous savez, d'ailleurs, le procès, il y a un procès très important des victimes de la pyrotite qui reprend aujourd'hui à Trois-Rivières. Donc, tout ça a lieu aujourd'hui. Et ce complexe sportif Alphonse Desjardins à Trois-Rivières, c'est aussi à côté de ce complexe qu'on veut construire le Colisée de Trois-Rivières qui pourrait accueillir cette fameuse équipe de hockey. On n'en est pas là. Commencez pas avec vos Colisées. Merci beaucoup, Claudine. Bonne journée. Allons rejoindre Sabrina Fabian à Halifax. 4 hommes d'Halifax font face à des accusations de trafic de stupéfiants et ils pourront participer à un programme innovateur qui leur permet d'éviter la prison. C'est ça, Michel. C'est un projet pilote et selon la police d'Halifax, c'est le premier en son genre au pays, mais c'est basé sur des projets similaires aux États-Unis qui ont vu beaucoup de succès. Alors, on parle de 4 contrevenants qui sont connus par la police et qui ont déjà eu des accusations portées contre eux. Ils ont été arrêtés en juillet suite à une opération secrète dans un quartier renommé d'Halifax, un quartier assez violent. Pour vous situer un peu, le quartier est construit autour d'un logement social où la drogue est vendue le jour, dans la rue, en pleine vue des enfants et de leur famille. Et puis, on a vu des fusillades également dans ce quartier récemment. Alors, la police et les membres de la communauté travaillent ensemble pour améliorer la situation. Et les contrevenants participeront à un programme éducatif pour éviter d'aller en cours ou bien éventuellement en prison. À travers ce programme, ils seront à faire une formation. Ils vont apprendre de nouvelles habiletés pour les aider à trouver un emploi. Et ils seront payés ou bien recevront une allocation pour la durée du programme. Le but, c'est de les éduquer pour qu'ils puissent entrer sur le marché du travail et ne pas se retrouver dans la rue à vendre de la drogue. Et s'ils réussissent, c'est-à-dire s'il parcourt le programme avec succès, eh bien, la police abandonnera leur accusation. Oh. Ils doivent non seulement réussir, mais demeurer dévoués au projet. Et essentiellement, ils doivent demeurer des citoyens respectueux des lois. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un projet entre la communauté et la police d'Halifax. Et les membres de la communauté ont vraiment espoir que ça va marcher. Merci beaucoup, Sabrina. Je vous en prie. On va terminer avec Jean-Pierre Girard à Saguenay. Au nombre de collègues qu'on a qui ont fait ce programme-là, ça va sans doute avoir des répercussions en dehors de chez vous. L'exclusivité du programme Arts et technologies des médias du cégep de Jonquière est maintenant menacée. Eh oui, ça revient périodiquement, vous savez, dans l'actualité, ça. Mais cette fois, Hélène Mercier n'est pas contente. Non, ça semble très sérieux. Justement, ATM, ben, on y forme des journalistes et d'autres métiers reliés aux communications. C'est un programme qui est offert à Jonquière depuis 42 ans. Et menacé parce qu'on vient d'apprendre qu'un collège privé de Montréal, le collège André Grasset, va offrir dès septembre un diplôme d'études collégiales en technique de production télévisuelle, des postes de caméraman, éclairagiste, assistant à la réalisation et autres. Michel, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe à Jonquière. Selon la directrice des études du cégep, Mme Jasmine Gauthier, c'est une concurrence directe au programme ATM. C'est carrément dans notre créneau, c'est carrément la même voie de sortie qu'on a ici. Alors, quand on dit que c'est un collège privé, je veux bien, mais justement, quel est l'intérêt du Québec à développer les collèges privés au détriment des régions? Parce que vous savez que dans les régions de Montréal, les cégeps débordent, hein? Tandis que nous, dans les régions, toutes les régions vivent une baisse démographique. À Jonquière, on ne comprend pas comment le ministère de l'Éducation a pu accorder ce permis au collège André Grasset, d'autant plus qu'il y a à peine un an, dit-on, rappelle-t-on, la ministre de l'Éducation de l'époque, Mme Beauchamp, Lynn Beauchamp, confirmait une fois de plus l'exclusivité de ce programme. Pendant ce temps, Michel, au collège André Grasset, on voit les choses autrement. D'abord, c'est un collège privé. La formation va coûter entre 16 et 18 000 $, une somme que les étudiants devront assumer. C'est une formation intensive de 18 mois. Et ça s'adresse, il faut le préciser, aux étudiants adultes qui ont déjà un diplôme d'études collégiales et ben, le ministère de l'Éducation ne versera pas un sou. Tout sera assumé par le collège lui-même. Et cet après-midi, nous aurons la version, nous, du ministre Sylvain Godreau, député de Jonquière, ancien prof d'ATM, justement. Il a même enseigné à Hélène Mercier. Donc, vous voyez, hein, on boucle la boucle. Donc, avec Sylvain Godreau cet après-midi. Et il a bien réussi quand même avec Hélène, non? Ben, absolument. Merci, absolument. Merci, Jean-Pierre Girard. OK, bye. Au revoir. Jean-Sébastien Bernatchez suit l'évolution des marchés boursiers depuis le module économie de Radio-Canada. Où est-ce qu'on en est ce matin? Il y a le TSX à Toronto perd 40 points. Michel, ça c'est 0,3%. Tous les indices sont en baisse, sauf celui du secteur des technologies de l'information, parce que le titre de Research in Motion gagne 3,5% après avoir obtenu l'approbation de Visa pour sa méthode de paiement mobile sécurisée, donc la méthode qui a été développée par RIM. À Wall Street, le Dow Jones perd 0,2%. Le S&P 500 est au point d'équilibre et le Nasdaq, lui, gagne 0,3%. Je vous rappelle que Boeing perd en ce moment 3% en raison des problèmes éprouvés par son avion Dreamliner 787. Voilà, vers la fin de l'émission. En Europe, on a eu des reculs à Londres, Madrid, Milan de 2 à 7 dixièmes, hausse de 2 à 3 dixièmes % à Paris et Francfort. Le pétrole brut léger américain gagne 1 $ à 94,25 $. Le Brent de la mer du Nord stable à 110,30 $. Le dollar canadien cède 12 centièmes à 1 $ et 1 $. Et demi. Il y a la Banque mondiale qui a revu à la baisse hier ses prévisions de croissance de l'économie mondiale. On a ramené ça de 3% à 2,4%. Par contre, meilleure nouvelle pour les États-Unis, la production industrielle a augmenté de 0,8% en décembre par rapport à novembre. Et surtout, les banques JP Morgan et Goldman Sachs affichent des bénéfices trimestriels bien au-delà de ce à quoi s'attendaient les analystes. Les investissements chinois à l'étranger ont bondi l'an dernier. Ça me surprend pas trop. Pas trop, hein? C'est un bond de 28,6% à 77 milliards de dollars investis dans plus de 4400 sociétés réparties dans 141 pays et territoires. Et les investissements directs étrangers en Chine, eux, ils ont reculé de 3,7% à 112 milliards de dollars. Alors, on constate que les investissements que la Chine fait à l'étranger commencent à rattraper les investissements que tous les autres pays font en Chine, si bien qu'on s'attend à ce qu'un jour, la Chine exporte davantage d'investissements qu'elle en reçoit. Au Canada, à la fin de 2011, le stock d'investissements directs étrangers avait atteint 10 milliards 600 millions. Ça, là, ça a été multiplié par 36 en 10 ans, Michel. Pas mal, hein? Et rappelons-nous qu'à la fin de l'année dernière, 2012, ça, ce sont des données pour 2011, mais à la fin de l'année 2012, le gouvernement fédéral a approuvé l'achat de Nexen, l'entreprise énergétique. Alors, c'est pas dans ces chiffres-là. Non, voilà, par la China National Offshore Oil Company, CNOOC. Ça, c'est une transaction de 15,1 milliards de dollars, Michel. Alors, on vous écoute à Classe économique à 18h30. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Merci. Et en deuxième heure, nous, on parlera financement des universités après le grand bulletin d'information. On ira aussi à Washington rejoindre Manon Globinski, notre correspondante. Le président Obama, actuellement, est en train de présenter son projet de loi de contrôle des armes à feu. En fait, c'est un projet, c'est pas nécessairement un projet de loi. Il y a plusieurs mesures là-dedans qui sont pas dans la loi. Et on parlera du Dreamliner, l'avion de Boeing qui a de nombreuses difficultés et disait-on, l'avenir de Boeing qui passait par cet avion. Peut-être pas rose comme le disait Jean-Sébastien. Alors tout ça après le grand bulletin d'information dans la deuxième heure de Panini sans info. On vous attend. Voici de nouveau Michel Séauger. Et on va parler dans cette première demi-heure de l'émission, de la deuxième partie de l'émission, du financement des universités, parce qu'il y a une troisième rencontre préparatoire au sommet sur les universités, sommet dont on ne connaît pas la date encore. Puis, c'est quand même un peu étrange qu'on soit aux rencontres préliminaires, mais on ne connaisse pas la date. Avec moi en studio, Martine Desjardins, elle est présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec, et mon collègue Michel Labrecque qui suit ce dossier-là pour nous. Michel va nous parler après Mme Desjardins, et après Daniel Zizian, qui est le président-directeur général de la CREPUC, qu'on aura, lui, au téléphone. Donc, après la conférence des recteurs et principaux des universités du Québec, c'est au tour de la Fédération étudiante universitaire du Québec de faire part de ses attentes sur le financement des universités. Deux points de vue avec en toile de fond, ben, une guerre de chiffres. Mais en bout de ligne, une question demeure. Est-ce que les universités québécoises sont sous-financées? Et si c'est le cas, qui doit payer la facture? On commence avec Martine Desjardins, présidente de la FEUC. Ben, Desjardins, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous contestez vraiment que les universités québécoises sont sous-financées? Il n'y a pas si longtemps que ça, votre association affirmait qu'elle l'était. Effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on n'avait pas pris la peine d'évaluer nous-mêmes, en fait, les données. Et on s'est rendu compte, en les évaluant, qu'il y avait énormément de transferts qui se faisaient entre les fonds qui devaient servir à l'enseignement et à la recherche vers les fonds d'immobilisation. C'est tout à fait légal, d'ailleurs, de le faire, mais on se rend compte que les universités sont très loin de desservir la mission première qu'elles doivent desservir, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche, et qu'on se rend compte que, finalement, on est en train de financer le béton. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment un dérapage qui a été fait? Est-ce que toutes les constructions, les nouvelles constructions que l'on voit sont nécessaires, sont rentables? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Et donc, l'étude qui a été sortie par la CREPUC dernièrement, nous contestons évidemment les chiffres qui sont sortis. C'est bien beau de se comparer. Encore faut-il savoir ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui vous cause problème dans les chiffres de la CREPUC? Eux disent que c'est 850 millions de sous-financement des universités au Québec. Qu'est-ce qui vous cause problème? Est-ce que c'est une mauvaise gestion par les recteurs? Est-ce que les fonds sont alloués ailleurs, au mauvais endroit? Qu'est-ce qui est le problème? Les deux. En fait, les deux éléments sont problématiques, mais d'autant plus qu'on fait une comparaison où on dit, écoutez, notre voisin a plus d'argent selon telle évaluation, parce qu'on omet quand même plusieurs chiffres. On omet tous les chiffres de la recherche. On dit que ça n'a pas l'affaire dans le fonds de fonctionnement, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, on a fait des calculs. On voit les postes budgétaires. C'est environ 450 millions dans le fonds de fonctionnement qui est dédié à la recherche. Il faut le comptabiliser. On omet les fonds d'immobilisation alors qu'on a reçu près de 2 milliards en immobilisation du savoir au niveau du Québec pour nos universités. On ne peut pas juste se comparer en omettant des données, parce qu'à ce moment-là, les données sont erronées. Et on le dit souvent, ce n'est pas juste une étude comparative. Il faut évaluer à l'interne quels sont nos besoins en fonction d'objectifs sur les 5, les 10 prochaines années. Et ainsi, on va être capable de faire la lumière. Et nous, on pense que la guerre de chiffres, c'est assez. Il faut aller chercher le vérificateur général. Il faut qu'il vienne mettre son nez là-dedans et qu'on ait des données qui sont incontestables. Et par la suite, on va être en mesure justement d'en discuter. Vous avez beaucoup parlé de la concurrence entre les universités. Vous dites, les campus satellites, entre autres, vous avez souvent parlé ad nauseam des campus satellites, l'Université de Sherbrooke, son campus de Longueuil. Mais pensez-vous vraiment que c'est vraiment ça le problème? Le campus de Longueuil et de l'Université de Sherbrooke, il est utilisé surtout le soir parce qu'il est à temps partiel. C'est une demande du gouvernement du Québec qu'on ait fait ce campus-là. Puis maintenant, il est partagé avec l'UQAM. C'est quand même pas une si mauvaise utilisation de cet édifice-là, non? Allons voir, justement, parce que le détail, le diable est dans les détails, comme on dit. Le recteur dit, écoutez, il est utilisé à 40 % durant la journée, à 90 % le soir, à 95 % le samedi. Le samedi, vous avez seulement deux plages horaires. Si on fait la totalité, tout ça, ça veut dire qu'il est utilisé à 60 % de sa capacité de façon générale. Il faut comprendre que c'est des étudiants à temps partiel, que la grille de financement pour un étudiant à temps partiel donne moins d'argent à l'université. Et donc, est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'on avait besoin de construire 15 étages? On n'aurait pas pu se contenter de 5 ou 6? Probablement que ça aurait été nécessaire et suffisant. On a construit 15 étages, c'est qu'on n'arrive pas à rentabiliser. Mais c'est clair qu'il est gros, mais il est gros parce qu'il est utilisé à certaines heures de la journée. On ne peut pas demander à des étudiants adultes d'être là pendant la journée. Ils sont là le soir. Mais ça fait partie de la vie, ça. Mais il faut comprendre qu'il y a deux étages qui sont à l'UQAM. On est en négociation avec l'Université de Montréal pour les faire rentrer également. Il faut comprendre aussi qu'il y a deux étages qui ne sont même pas terminés dans cet édifice. Est-ce qu'on a fait des choix trop rapidement? Et aussi, on avait beaucoup de programmes qu'on voulait apporter à l'Université de Sherbrooke. C'est des programmes à temps partiel. Nous, ce qu'on dit d'ailleurs à la FEUC, c'est qu'il faudrait revoir la grille de financement parce qu'on se rend compte que ce n'est pas adapté, en fait, à la réalité. On évalue des programmes et non pas des activités au sein de cette grille. Prenons le temps d'avoir un chantier puis d'en débattre. Je pense que ça va aider pas mal tout le monde. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup du campus de Longueuil, mais on pourrait parler de l'îlot voyageur. Je veux dire, tout le monde va nous dire, oui, mais c'est un cas d'exception. Je suis désolée, mais un cas d'exception qui nous a coûté 300 millions de dollars. Je suis un voisin de l'îlot voyageur. Le 850 millions, il est probablement en partie là-dedans. Là. Mais en même temps, vous dites souvent des choses qui sont contestées par les universités. Je vous donne un exemple. Les programmes de sciences infirmières de l'Université de Montréal. Et vous dites, bon, il y avait 700 étudiants avant, maintenant, il y en a 400 dans un campus à Montréal, 300 à Laval. L'Université de Montréal a dit non, absolument pas. Il y a maintenant 1100 étudiants grâce au campus de Laval. Oui, bien, c'est ça. Mais écoutez, ça, c'est des données à l'interne qu'on avait reçues d'ailleurs. Et donc, déjà, si on n'arrive même pas à avoir les bonnes données du côté des professeurs, des étudiants et des administrations, comment est-ce qu'on peut s'entendre pour dire, voici le financement universitaire, comment ça fonctionne? Et je pense que c'est de là, il faut sortir de la guerre de chiffres, il faut mettre le vérificateur général là-dedans pour pas que ça soit comme une évaluation à peu près de l'étudiant qui se situe dans tel programme. Prenons le temps de vraiment aller regarder parce que, évidemment, tout le monde va essayer de démontrer, en fait, que son campus satellite, il est viable, il était nécessaire, il est rentable. Mais encore une fois, on a besoin, en fait, d'aller faire une réelle vérification de tout ça. Mais vous proposez la création d'un comité d'évaluation des universités pour surveiller, en fait, la gestion des recteurs. Est-ce que cette commission-là peut avoir un pouvoir contraignant à l'égard des recteurs? Parce qu'à ce moment-là, on ne souhaite plus avoir de recteurs du tout. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement pour contrôler les recteurs tant que pour vérifier l'ensemble du réseau. Actuellement, la façon dont ça fonctionne, c'est que la CREPUC, la conférence des recteurs, a hérité de l'ancien, en fait, des deux anciens éléments du Conseil des universités qui visent à la création et l'évaluation des programmes. Nous, ce qu'on dit, c'est retirons ces éléments-là de la CREPUC parce que ça fait aucun sens que les gens qui développent les programmes s'octroient aussi le financement. Et donc, prenons ces deux instances-là, mettons-la au niveau d'une commission indépendante avec des acteurs de la communauté universitaire et pas simplement des administrations. Et là, ils vont nous dire, oui, mais ils sont indépendants. D'accord, mais ils sont choisis par la CREPUC eux-mêmes qui sont mis sur ces deux comités-là. Donc, nous, on dit, prenons ces deux éléments-là, mettons-les à l'externe. La CREPUC va rester quand même un groupe de pression, ce qu'elle devrait être d'ailleurs, et non pas celui qui décide de la mort ou de la création d'un certain programme, qui est juge et partie. Ça fait aucun sens. Et donc, nous, on dit, on devrait revenir à ce qu'on avait avant, le Conseil des universités. On n'est pas les seuls, d'ailleurs. Et je pense que c'est un des éléments qui pourrait faire consensus dans le cadre du prochain sommet, cette fameuse commission indépendante. Et à ceux qui diront, oui, mais c'est de la dépense d'argent, je pense qu'on va aller économiser plus largement avec un conseil des universités qui va veiller à la bonne coordination du réseau que dans tous les scandales qu'on voit actuellement. Est-ce que les jeux sont faits sur les frais de scolarité? J'entendais votre conférence de presse tout à l'heure. Vous avez l'air de dire, bon, on va continuer d'endetter les étudiants. Le gouvernement a quand même pas mal fait son lit sur l'indexation, non? Bien, en fait, le gouvernement propose, mais n'a pas encore pris de décision à ce propos-là. D'ailleurs, dans le sommet sur l'accessibilité aux études, il y avait quand même un consensus pour dire qu'on ne voulait pas de hausse des droits de scolarité. Évidemment, de chaque côté, on tire un peu la couverture. Est-ce qu'on doit aller vers telle ou telle démarche? Nous, à la fin, qu'on propose un gel des droits de scolarité, on considère qu'effectivement, les finances publiques sont mises à mal, il doit y avoir un resserrement, les étudiants ont suffisamment fait leur part et prenons le temps de faire l'évaluation. On ne va pas mettre la charrue devant les bœufs, encore une fois. On va toutes faire les évaluations. S'il y a un financement et qu'il n'y a pas assez d'argent dans les universités, on verra comment est-ce qu'on va faire pour le financer à plus longue échéance. Mais pour nous, à court terme, de façon pragmatique, il faut garder le gel des droits de scolarité. Les étudiants sont suffisamment endettés. Ils ne peuvent plus, en fait, supporter une hausse. Martine Desjardins, présidente de la Fédération étudiante universitaire du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et on poursuit avec le président directeur général de la CREPUC, M. Daniel Dizian. M. Dizian, bonjour. Oui, bonjour, M. Auger, c'est Michel Patry qui vous parle. C'est Michel Patry. Bon, écoutez, on a changé. Vous n'avez pas l'honneur de parler au président de la CREPUC, l'humble directeur de HEC. C'est quand même pas trop mal, quand même, humble directeur des HEC. Excusez-moi, M. Patry, mais... La FEUG vous demande de faire la preuve que de vos besoins pour ensuite évaluer le niveau de financement requis pour les universités. Est-ce que ça vous semble logique comme situation? Absolument, mais ça fait 10 ans qu'on a fait la preuve... l'étude que nous avons dévoilée hier, qui estime l'écart de financement que supportent les universités québécoises par rapport au reste du réseau canadien, 850 millions, c'est quand même par année. Ça veut dire 24 % environ du budget de fonctionnement, 4 000 $ par étudiant équivalent par année. C'est pas la première étude. Ça fait depuis 10 ans que la CREPUC, beaucoup d'intervenants regardent cette question et arrivent à la conclusion qu'il y a un sous-financement, qu'il est chronique et il est croissant. Donc, même Mme Desjardins, la FEUC, peut-être pas Mme Desjardins, parce qu'elle n'était pas en poste à ce moment-là, mais la FEUC et le ministère, il y a 10 ans, concluaient, étaient d'accord pour dire qu'il y avait sous-financement. La FEUC a changé son discours quand la provenance des revenus est devenue une question, puis qu'on s'est demandé si les étudiants devraient contribuer à combler ce sous-financement. Nous, hier, ce qu'on a fait, c'est simplement mettre à jour une étude basée sur une méthodologie qui avait été convenue avec le ministère et avec des experts, dont Raymond Chabot-Grant Thornton à l'époque, et qui consiste à dire, si on prend les contingents d'étudiants qu'il y a au Québec présentement, puis on imagine que ces gens-là seraient financés comme ils sont financés ailleurs au Canada, ça veut dire qu'il y a 850 millions de moins à la disposition des universités. On ne s'attend pas que demain matin, les universités vont recevoir 850 millions. Ce que nous disons, c'est, regardez, on avait pris une première mesure en 2002, ça nous donnait un écart de 375, on est rendu à 850. Si on attend 3-4 ans, on sera rendu au-dessus du milliard. Mais M. Patry, est-ce qu'on compare vraiment des comparables dans cette chose-là? Absolument. Il y a toutes sortes de différences, entre autres sur le financement, sur la manière de financer les universités, sur le fait qu'au Québec, par exemple, on a une année de cégep de plus puis une année d'université de moins. Mme Desjardins disait ben les fonds de recherche ne sont pas compris là-dedans. Est-ce qu'on compare vraiment des pommes avec des pommes ou on est dans d'autres choses? Non, on compare vraiment des pommes avec des pommes. C'est une méthodologie, évidemment. Il s'agit d'évaluer ce qui aurait été financé pour le contingent étudiant québécois s'il avait poursuivi ses études ailleurs au Canada. Donc, il y a certaines hypothèses. Mais le modèle qui est utilisé est très robuste, une méthodologie très solide. Ça consiste à regarder le budget de fonctionnement. Donc, on ne regarde pas les budgets d'IMO ou de recherche, parce que ce sont des fonds qui sont disjoints et qui ont des missions différentes. Donc, il n'y a pas de scandale ou de péché là-dedans. Partout ailleurs au Canada, les universités ont un fonds de fonctionnement, un fonds d'immobilisation, un fonds de recherche, puis un fonds de dotation. C'est la même chose au Québec. C'est donc très rigoureux. On prend le contingent étudiant au Québec, puis on se dit, si ces gens-là avaient bénéficié d'un financement comparable à ce qu'il y a ailleurs au Canada, ça aurait généré 4 000 $ de plus par étudiant. Une des choses, M. Patrick, qui vous est beaucoup reproché dans les universités, c'est les fameux campus satellites. On a souvent parlé de celui de l'Université de Sherbrooke à Longueuil, mais on peut en prendre d'autres. Dans une des études qui va être déposée, un mémoire qui va être déposé à la rencontre demain, c'est celui d'un étudiant au doctorat de l'Université de Toronto, Olivier Bégin-Caillouette, qui, lui, conclut que, écoutez, si les campus satellites peuvent être justifiés, c'est pas dans les grands centres qu'ils doivent se trouver, parce que dans les grands centres, ils font juste augmenter la compétition entre universités. C'est une compétition qui est coûteuse et qui n'apporte pas plus d'étudiants au système. S'il faut faire des campus satellites, il faut les faire ailleurs. Je peux réagir à ça rapidement, mais je n'ai pas lu l'étude en question, mais je vais certainement la parcourir. Un point de méthode là, bien simple. Depuis 10 ans, la fréquentation universitaire, la population qui se présente sur nos campus universitaires a augmenté de près de 30 %. On n'a pas créé des universités dans les 10 dernières années. Donc, ces gens-là, qui viennent le jour, le soir, qu'ils soient à plein temps, à temps partiel, il faut les asseoir en quelque part. C'est normal que les universités québécoises aient fait des immobilisations, des investissements en immobilisation depuis 10 ans. Il y a 30 % de plus d'étudiants dans les murs des universités qu'il y en avait. Mais il y a aussi une chasse à l'étudiant pour avoir des subventions, M. Patry. Absolument. Ben, ça fait partie un peu du décor. Pour prendre le deuxième point, est-ce que ces campus devraient être en région? C'est une question plus compliquée parce que la croissance de la population se répartit pas de façon uniforme sur tout le territoire. Et la région qui a connu la plus forte croissance démographique, c'est la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, ça explique que beaucoup d'universités ont développé des installations dans le Grand Montréal ou autour de Montréal. Et ça explique aussi les besoins des communautés autour de Montréal. Puis là, je veux pas commenter particulièrement le cas de Sherbrooke ou d'autres. C'est pas à moi de le faire. La rectrice de l'Université de Sherbrooke, Mme Samoisette, peut le faire. Mais il y a des besoins qui se sont manifestés. Au terme du dernier sommet auquel Mme Marois et M. Legault avaient été impliqués, dans lequel ils avaient été impliqués, on avait demandé aux universités notamment de développer l'accessibilité et notamment de le faire au cycle supérieur. Les universités l'ont fait. On a 30 % plus de clientèle. On n'a pas plus d'universités. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu plus d'équipements. Et ces équipements apparaissent au fonds d'immobilisation. Il n'y a pas de scandale là. Il y a un surplus dans le fonds d'immobilisation. J'espère qu'il y en a un, parce que s'il n'y en avait pas, ça voudrait dire que la valeur nette des bâtiments et des collections de bibliothèques et des ordinateurs est nulle. Ce serait une catastrophe nationale. Michel Patry, directeur d'HEC Montréal, je m'excuse de vous avoir confondu avec un de vos collègues en début d'entrevue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'y a pas d'offense, M. Auger. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour donner un peu de perspective à tout ça, on va parler avec notre collègue Michel Labrec, qui suit depuis le début les rencontres qui mènent au sommet du mois prochain. On voit que les positions sont plutôt bien tranchées, Michel. Avez-vous remarqué? Oui. On peut dire que l'alignement des planètes a pas mal changé dans ce débat sur l'avenir des universités depuis la crise du printemps dernier. Oui, bien, j'utilise souvent, Michel, l'expression « les plaques tectoniques ». Les plaques tectoniques, en fait, du débat ont quand même changé, hein, sur la question des droits de scolarité. L'idée d'une hausse majeure, Mme Desjardins le disait, comme le proposait le gouvernement Charest, est complètement écartée. On ne parle plus que d'une indexation, éventuellement. Et sur cette question délicate du financement ou du sous-financement ou du mal-financement des universités, dont on va parler beaucoup à Sherbrooke demain, je vous dirais que le fardeau de la preuve s'est déplacé aussi. Hein. À l'époque du gouvernement libéral sur la question de la gestion des universités, ce fardeau-là reposait beaucoup sur les épaules du mouvement étudiant. Or, depuis le printemps dernier, ce sont les universités qui sont accusées de plusieurs côtés de mal gérer, de se compétitionner entre elles. Même le gouvernement Marois, je vous rappelle, au début de cet exercice, a mis en cause le fameux sous-financement des universités. Philippe Couillard, un des candidats à la succession de Jean Charest au PLQ, parlait lors du premier débat dimanche de possible gaspillage, j'allais pas aussi loin, là. Mais l'idée de scruter davantage les dépenses des universités, donc, est très présente. Et il y a un autre front qui arrive. Mme Desjardins parlait tout à l'heure de donner au vérificateur général le mandat de surveiller les universités. Mais il n'y a pas que la FEUG qui va demander ça. Il y a plusieurs syndicats, un regroupement de syndicats des universités qui va en parler aussi à Sherbrooke demain. Reste que depuis quelques jours, on assiste à une guerre en règle de chiffres sur le sous-financement ou le non-sous-financement des universités. D'habitude, ces guerres de chiffres-là font l'affaire du gouvernement parce que ça lui donne les mains libres pour trancher comme il veut. Oui, vous avez un peu raison de dire ça. Et franchement, Michel, soyons honnêtes, c'est pas facile pour le commun des mortels, même pas facile pour les journalistes de se retrouver là-dedans. Les universités, ce sont des organisations complexes, tentaculaires. Il y a une formule de financement compliquée dont on parle tout le temps qui a été adoptée en 2000, M. Patrie en parlait, par le gouvernement péquiste de l'époque avec un ministre d'Éducation qui s'appelait François Legault, qui est aujourd'hui le chef de la CAQ. Et c'est cette formule-là qui va être probablement en partie sous examen. En tout cas, c'est ce que souhaitent certains organismes. Et puis, vous l'avez dit, tout le monde y vote ses chiffres sur le sous-financement ou le mal-financement des universités. Vous évoquiez tout à l'heure, vous posiez une question à Mme Desjardins sur le nombre d'étudiants au campus de Montréal-Laval en sciences infirmières. C'était dans mon reportage, d'ailleurs, que j'ai moi-même produit à Dimanche Magazine. L'Université de Montréal a tenu à corriger le tir. Donc, on voit que tout le monde tire un petit peu la couverte de son côté, finalement. Et au-delà de ça, Michel, c'est la question de la mission de l'université qui risque d'être en cause et de comment on peut la financer aussi. Et encore là, chacun a son agenda. On le sait, le mouvement étudiant ne veut pas de hausse des droits de scolarité. Certains veulent la gratuité. Le gouvernement veut dépenser, mais dans les limites budgétaires. Les universités veulent pas trop se faire surveiller. Donc, tout le monde tire la couverte de son côté en fonction de leurs objectifs. Et rapidement, pour terminer, Michel, l'autre problème nouveau, c'est les compressions budgétaires qui ont été nouvelles, qui ont été apportées dans le budget Marceau pour les universités, aussi pour les cégeps. Ça, ça change le ton des rencontres aussi. Et ça a dévié, je vous dirais, le débat. Après une première rencontre où tout le monde s'aimait, presque se trouvait beau, fin et charmant, tout à coup, coup de théâtre, le ministre de l'Éducation supérieure annonce des compressions de 124 millions. Ça a irrité les universités, Michel, au point où Mme Marois elle-même a dû s'immiscer dans le dossier, rencontrer cette semaine à huis clos les recteurs des universités pour calmer le jeu. Alors, on est à mi-chemin de ce processus préparatoire. Troisième de quatre rencontres demain, une autre à Rimouski dans deux semaines, un sommet dont on ne connaît pas toujours la date. Ça vous montre à quel point cet exercice-là est quand même acrobatique et périlleux pour le gouvernement Marois. Un jour, chaque camp devra peut-être un peu diluer ses positions, en tout cas si on veut arriver à un compromis. Et surtout, le gouvernement devra trancher, devra faire des arbitrages majeurs, mais ça sera sans doute pour le sommet. Et vous, Michel, vous serez demain et après-demain à Sherbrooke, où tout le monde va aller faire des acrobaties. Peut-être plus le gouvernement Marois que les autres, mais enfin, et on vous retrouvera très certainement depuis Sherbrooke à ce moment-là. Je ne sais pas si je dois m'apporter un filet, Michel, pour le cas où quelqu'un tombera. Prenez pas de chance. Merci beaucoup. Au revoir. Michel Labrec, au revoir. Hélène Mercier, évidemment, cette question du financement des universités, c'était notre question du jour. Et plusieurs étudiants y ont répondu. Michel, pensez-vous que les universités québécoises sont sous-financées? Il y a Daniel Laroche qui nous dit que le gouvernement fasse lui-même les bilans financiers de toutes ces institutions universitaires avant de se prononcer. Beaucoup de travail de ce côté-là. Il y a Gaëtan Lavoie qui dit oui, elles sont sous-financées, mais elles ont du ménage à faire. Ça, c'est vrai aussi. Karen écrit, comme assistante universitaire, j'ai vu des sommes gaspillées pour des dîners, des sorties de luxe. Les professeurs et les recteurs devraient apprendre à gérer les sommes universitaires au lieu d'accuser l'État et les étudiants. Il y a M. Beaulé qui nous dit, comme étudiant, j'ai assisté au fiasco de l'îlot voyageur et depuis les dernières années de la construction du pavillon de l'Université de Sherbrooke à Longueuil, qui semble être un gros éléphant blanc. Si les représentants de la CREPUC veulent que nous haussions leur financement, car au bout du compte, c'est nous qui allons le faire, je crois qu'ils doivent être prêts à être transparents et à laisser l'équipe du vérificateur général regarder leur livre. On peut écouter deux commentaires d'auditeurs des étudiants aussi, Michel. Je ne crois pas que l'université au Québec soit sous-financée. Je crois encore une fois qu'il y a une mauvaise gestion et puis un petit peu de gaspillage sur l'université, comme dans beaucoup de domaines de notre société d'ailleurs. J'ai pas l'impression, de par les ressources que je voyais à mon université particulièrement, que c'était sous-financé, niveau matériel, professeur, tout ça. J'avais l'impression d'obtenir des bons services. Cependant, je sais que c'est pas le cas pour tous les programmes, dans toutes les universités. Il n'y a pas de midi sans vous et sans vos commentaires. Écrivez-nous sur Twitter à dièse midi info. Le nouveau modèle du constructeur d'avions Boeing, le 787 qu'on appelait le Dreamliner, celui qui devait sauver la compagnie, connaît beaucoup de difficultés depuis son lancement en octobre 2011. Encore aujourd'hui, au Japon, il a dû atterrir d'urgence après que la fumée ait été détectée dans l'appareil. On compte au moins 7 incidents avec cet avion depuis le début de l'année. Ces incidents ont amené l'Agence fédérale américaine de l'aviation à ordonner une inspection détaillée de l'ensemble des systèmes critiques du 787. Peut-on avoir confiance à cet avion? Pourquoi il y a tant de problèmes? On en parle avec notre spécialiste de l'aéronautique et ancien contrôleur aérien, Yvan Miville-Deschênes. Monsieur Miville-Deschênes, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Il y a eu des problèmes de batterie aujourd'hui, des fuites de carburant, de la fumée, des problèmes électriques. Comment on explique tous ces problèmes? Est-ce que c'est normal dans le cas d'un nouvel avion ou si c'est vraiment un problème? J'aimerais bien être avec les enquêteurs qui sont sur place présentement avec leur loupe. Ils regardent ça attentivement. Disons que c'est un très mauvais hasard que tout ça arrive bout à bout comme ça. Une des premières choses que, entre autres, le manufacturier va faire, c'est regarder les avions problèmes. Tous ceux qui ont eu des problèmes depuis quelque temps, voir en quelle séquence ils ont été construits, ces avions-là. Est-ce que c'est des avions qui ont été faits à la queue-leu-leu ou si c'est à tous les deux avions ou si c'est aléatoire? Parce qu'il y a peut-être une erreur de montage quelque part qui a fait qu'on n'a pas mis la bonne pièce au bon endroit avec la bonne force pour la faire justifier, la faire se tenir. Est-ce que les branchements électriques, avec ces nouvelles piles qu'on a dans ces avions, des piles ion-ion, c'est très fort pour démarrer le groupe de génératrices, c'est très fort pour lancer les moteurs, c'est très fort pour un paquet de choses, mais c'est une nouvelle génération, c'est le même genre de piles qu'on voit dans les véhicules automobiles hybrides, mais en beaucoup plus gros. Ouais. Et c'est sujet à chauffer par lui-même. On ne sait pas pourquoi, c'est pas Boeing qui fabrique ces piles-là, mais on va sûrement regarder ça de près parce que entre autres, un transporteur FedEx qui transporte de grosses choses et de petites choses s'est fait dire par le gouvernement américain, quand vous transportez des piles comme ça de A à B, vous devez les mettre dans une boîte spéciale. Oh. Parce qu'elles risquent de se chauffer par elles-mêmes. OK. Mais certains disent que Boeing a été trop pressé de construire cet appareil-là parce que, bien sûr, on connaît la lutte dans laquelle ils sont avec Airbus. Est-ce qu'on a pu être négligent ou couper des coins ronds dans la construction de cet avion-là? J'espère que non, et je ne crois pas que cela est arrivé. Bien qu'il faut savoir, Michel, qu'il y a 3 ans de retard sur le Boeing 787. Là. Ça avait été sensiblement la même chose avec l'Airbus 380. Et les clients disaient, bon, ben regarde, moi, je vais remplacer tel avion par un Dreamliner à partir de telle date. Ben l'avion n'arrive pas. Alors, là, il y a eu des compensations qui ont été données. Le président de Boeing a dit hier que tous les incidents, les réparations seront faits à leurs frais et qu'il y aura compensation. Ce matin, la compagnie Japan Airlines et All Nippon Airlines, deux gros transporteurs japonais qui sont propriétaires, eux autres, ils opèrent 42 des 50 787 livrés à ce jour, ont décidé de mettre les avions par terre. On ne s'en sert plus avant que les ingénieurs appropriés viennent voir ce qui se passe, puis qu'ils nous rassurent, puis qu'ils vont nous signer des papiers comme de quoi tel avion est correct. Et puis, parce qu'ils ont ramassé des éléments de preuve à date, là, qu'ils vont les voir de près. Boeing, je sais que la FAA, l'équivalent de notre BST à nous, le Bureau de la sécurité dans les transports des États-Unis, va dans chacun des pays. Il est parti au Qatar, il est parti à Boston, il est parti au Japon. Des experts dans le domaine de l'enquête pour essayer de mettre le doigt sur le bobo. Parce que perdre du carburant, avoir de la fumée causée par une pile qui est mal connectée peut-être, mal isolée, c'est tout à fait inacceptable. Le contrôle de qualité à la fin a peut-être été déficient. Est-ce qu'il y a un danger qu'avec tous ces incidents-là qui sont très médiatisés, que l'avion se retrouve avec une réputation de citron des airs? J'espère que non, mais oui, il y a un danger. Il y a un danger qu'avec la rapidité et la précision avec laquelle on va faire ces réparations-là, ils vont devoir faire un programme pour encourager les gens à nouveau à les emprunter. Jusqu'à ce jour, Michel, jusqu'au début, les gens changeaient de date de vol juste pour prendre le Boeing 787 parce que c'est d'un confort incroyable. Peut-être plus que l'Airbus 340, même, 380. Mais depuis ce temps-là, les gens font le contraire. Ils ont dit, est-ce que c'est un 787 qui fait cette route-là? Changez-moi de vol. Je veux pas prendre un 787. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle, oui. Pour une compagnie, ils ont payé 210 millions américains par avion, là, tu sais. Il y a beaucoup d'innovations dans cet avion-là, qui est construit en composite de carbone. Il y a des systèmes vidéo qui sont nouveaux. Je pense que le Wi-Fi est partout dans l'avion. Est-ce que c'est l'innovation qui est en cause dans les problèmes qu'on voit actuellement? Je ne crois pas, parce que si on se réfère, vous devez sûrement vous souvenir, en 1998, en septembre, il y a eu l'accident de Swissair et Peggy Cove. Oui. Cet accident-là avait été causé par un système de divertissement qu'on avait rajouté par la suite, après la construction de l'avion, et on avait laissé traîner une grande couette de fil enroulée en haut, et avec les pressurisations, dépressurisations, chaleur, froid, il a fini l'enveloppe de ces fils-là, qui était faite de carton, s'est mis à craqueler, à se fissurer, et là, il y a eu une arc électrique qui s'est faite, et l'intérieur du plafond de l'avion, au-dessus du poste de pilotage, a pris feu. Alors, maintenant, ça fait partie intégrante, et les fils qui vont dans le système de mouvement de l'avion, c'est des fibres optiques, donc il n'y a pas de courant dans ça. Alors, donc, il n'y a pas de danger que ça vienne de ces innovations-là, mais le carbone, par exemple? Le carbone, on a fait des tests pendant des années et des années pour en voir la résistance, on sait que le carbone n'est pas conducteur, comme par exemple si cet avion-là est fait est frappé par la foudre. Hein? Quand on a une barre de métal ou un bâton de golf, puis ça frappe, on risque d'être à l'autre bout, nous, entre le sol et le bâton de golf. Mais pour cet avion-là, juste dans la couche de fibre, on a mis une très légère mèche de métal, comme un grillage de métal, qui permet la conductivité. Alors, on espère que c'est pas ça le problème, puis qu'il n'y a pas eu une perte de conductivité quelque part. Ça va être vérifié également, parce qu'on peut faire avec les instruments de mesure optique et électrique d'aujourd'hui, on est capable de faire un rayon X, si vous voulez, de cet avion-là. En terminant, Yvan Miville-Deschênes, je vais vous mettre sur la sellette un peu. Est-ce que vous monteriez dans un 787 aujourd'hui? Oui. Pas de problème? Oui. Vous n'auriez pas peur? Vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Non, parce que j'aurais plus de chance de traverser l'autre côté de ma rue cette nuit à 3 heures et de me faire frapper par un conducteur ivre au volant. Alors vous n'avez aucun problème avec le Dreamliner. C'est des incidents de parcours et ça va tout se régler tout seul dans les prochains mois. Le personnel, le commandant et le premier officier en avant sont dans les loges, eux, sont les premiers intéressés à ce qu'il n'y ait pas de perte de vie. Alors, tout ce qu'on a vu à date, ils ont pris les mesures appropriées avec l'information qu'ils avaient pour gérer cette crise-là et assurer d'abord la sécurité des passagers. Vous savez, au moment où on se parle, Michel, là, il y a 15 000 gros avions dans le ciel autour de la Terre. Et il est arrivé deux incidents ce matin au Japon. Yvan Méville-Deschênes, spécialiste en aéronautique et ancien contrôleur aérien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir. Bon vol. Bon. L'émission Palme Midi sans info est disponible en balado-diffusion au www.radio-canada.ca/midi-info. C'est mercredi, c'est Frozy, bien sûr. C'est la chronique Sport et Société de Robert Frozy, qui n'en a pas fini avec Lance Armstrong, que vous appelez maintenant l'homme qui rit. Oui, vous allez comprendre à la fin de ma chronique pourquoi. Et parce que demain, c'est le grand show. Hein. Tout le monde attend ça. En fait, tout le monde en parle depuis plusieurs jours. Le grand show de la célèbre animatrice américaine Oprah Winfrey. Mais en fait, on devrait dire le grand show de Lance Armstrong, son invité. Car en fait, l'ancien champion déchu a choisi Oprah pour parler publiquement la première fois depuis sa descente aux enfers. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est celui que j'ai trouvé. Moi, c'est comme si notre joueur de baseball dopé, Éric Gagné, avait choisi Sonia Benezra pour se confier. Parce que pas trop de risques, on va jouer sur l'émotion, la compassion, le pardon. Armstrong ne devrait pas sortir véritablement écorché de l'exercice. Mais depuis que j'ai appris qu'Armstrong allait chez Oprah, je sais pas, j'ai senti comme quelque chose d'un peu nauséabond là-dedans. Pourquoi un homme qui a rejoint des centaines de millions de gens par le biais de sa fondation Livestrong, et qu'il soutient encore d'ailleurs, faut le rappeler, des gens qui lui ont fait confiance, qui l'ont érigé au statut de demi-dieu, de rescapé de la vie, d'exemple de persévérance à suivre, pourquoi il n'a pas choisi tout simplement publiquement de leur parler à eux avant. Certes, il est allé faire des excuses aux dirigeants de la Fondation, oui. Mais moi je parle à tous ces gens qui l'ont soutenu durant ces années. Alors, il faudrait peut-être aussi que le fisc américain s'intéresse, et il va sans doute s'intéresser, aux liens étranges qu'entretient Armstrong avec sa Fondation. Oui, ça c'est... Parce que selon l'enquête du New York Times, le montage des fondations Livestrong est unique pour un organisme à but non lucratif. D'un côté, il y aurait Armstrong, un des plus hauts donateurs de la Fondation, mais en retour, il serait payé par l'autre Fondation Livestrong pour son nom qu'on a acheté, et pour toutes ses appareils publique, une espèce de vase communicant qui serait intéressant peut-être de scruter à la loupe. Et aussi ces histoires, vous savez, ce club restreint de hauts donateurs de Livestrong qui ont des passe-droits, en plus évidemment d'avoir les déductions fiscales. Là, on parle de 500 000 dollars et plus. Non seulement des déductions fiscales, je dirais, appréciables, mais en plus, eh bien, ils bénéficient d'avantages marginaux. Par exemple, d'être invités sur le Tour de France, sur la ligne d'arrivée aux Champs-Élysées, à l'hôtel Crillon, qui est un des plus prestigieux hôtels parisiens, évidemment, tout inclus avec les repas. Ce qui gêne là-dedans, en fait, c'est cette espèce de mise en scène d'une mauvaise pièce, le dopé, en fait, Lance Armstrong, qui a craché, qui a menacé, qui a poursuivi durant toutes ces années ses détracteurs à coups de millions, et qui veut s'offrir maintenant le pardon, alors qu'il a déjà été condamné. Mais c'est là le plus odieux, en fait. Il n'a jamais dit « Excusez-moi, que tous ceux à qui j'ai fait du mal me pardonnent ». Non, il met en scène ses propres aveux, à condition de savoir ce qu'il a véritablement avoué dans cette émission. Parce qu'en plus, Armstrong ne veut pas tomber tout seul, alors il se fait accusateur. Oui, en fait, selon certains quotidiens américains, en fait, des infos auraient filtré de cette entrevue. Armstrong accuserait lors de l'entrevue l'ancien président de l'Union cycliste internationale, Anne Verbruggen, le président actuel, Pat McQuaid. Il affirmerait que les deux étaient au courant de son dopage, qu'ils avaient laissé faire, parce qu'ils avaient besoin d'un gros nom pour relancer, en fait, le cyclisme international, un espèce d'échange de bons procédés. Et en les accusant ainsi, on peut en déduire qu'il aurait déjà peut-être passé, il aurait peut-être une entente avec l'agence antidopage américaine, voire avec l'agence antidopage mondiale, et qui sait peut-être même avec la justice américaine. Quoi qu'il en soit, pendant des années, il a menti, vous allez me dire, c'est pas le premier qui ment, etc. C'est sûr, vous avez raison. Mais la différence des autres, c'est qu'il a orchestré, il a organisé son système de dopage. Il a lui-même imposé à ses coéquipiers ce système. Il a d'ailleurs acheté le silence de ses coéquipiers à coups de menaces. Les autres, ceux qui ont avoué, étaient obligés, pressés par leur patron, pressés par les commanditaires qui veulent des résultats. Alors Armstrong leur offrait des résultats à coups de transfusions sanguines, de sophistiqués en plus, de produits dopants fournis par les meilleurs médecins. Il était le patron, en fait, d'une usine à doper et personne ne pouvait lui dire non. Et ceux qui l'ont fait ont payé cher. Certains grands quotidiens, d'ailleurs américains, nous apprennent que Lance Armstrong aurait donc véritablement parlé à l'agence antidopage américaine. Ils sont en train de proposer un drill. En fait, ils proposent peut-être de revoir cette suspension à vie de Lance Armstrong. Et je vous rappelle, et en même temps, il a regardé aussi ce qui est arrivé à ses anciens coéquipiers. Il n'est pas fou, Lance Armstrong. Je vous rappelle que les peines d'Incapi, de Van de Velde, de Leppenheimer, qui étaient tous des coéquipiers de Lance Armstrong, ont été réduites de 50% en échange de leur témoignage à charge contre Armstrong. Mais là encore, on peut se dire, bah, pour qui se prend-il? Parce qu'on pense qu'il est au-dessus de tout, que tout est achetable, que rien et personne ne peut lui résister. Une espèce de folie des grandeurs qui pourrait peut-être s'apparenter à celle de l'acteur français Gérard Depardieu. En gros, vous voulez m'embêter, je m'en vais en Belgique. Vous voulez m'emmerder, je deviens citoyen russe, vous insistez encore et je m'acoquine avec un dictateur tchétchène. En fait, Armstrong devrait peut-être en faire autant, aller voir Poutine, lui proposer peut-être une job de ministère des Affaires extérieures et puis de dealer avec Obama, parce qu'on dit que, eh ben, il serait peut-être ami aussi avec Obama, et on dit aussi qu'il y aura autour de lui, eh bien, de gros lobbyistes très influents à la Maison-Blanche, encore un élément qui peut-être nous fait dire qu'il a peut-être eu un deal avec la justice américaine. Disons qu'il était plus ami avec le prédécesseur de M. Obama, oui, avec Bush. Oui, avec Bush, bien sûr. Il allait faire du cyclisme avec lui. Mais il a ses entrées aussi, oui, avec Sarkozy aussi. Il avait il y a des entrées un peu partout, mais il risque quand même gros en avouant, Armstrong. Oui, c'est sûr que on ne sait pas si Armstrong va complètement passer aux aveux, s'il va tout raconter demain, quoi qu'il arrive. Il aura, en fait, berné toute une population, des jeunes survivants du cancer qui l'avaient pris comme modèle. Il n'est pas comme Marion Jones, par exemple, ou Richard Virenque, parce que lui, comme je vous le disais, c'est lui qui donne le ton quand il veut, où il veut et à qui il veut. Demain, ce sera Oprah, puis après-demain, peut-être la prison pour parjure, parce qu'effectivement, il a déjà dit trois fois devant un grand jury que, eh bien, il n'avait pas pris de produits dopants, qu'il ne s'était jamais doté. Puis ensuite, il y a toutes les poursuites. Je pense à celle, c'est la plus petite peut-être, hein, celle du quotidien britannique, le Sunday Times, qui avait été condamné, hein, parce qu'ils avaient, eux, affirmé que Lance Armstrong s'était dopé, poursuivi. Mais là, en retour, il demande quand même 2 millions de dollars. Puis, il y a la compagnie d'assurance de Lance Armstrong qui veut réclamer son dû. Il y a aussi la poursuite devant un tribunal fédéral initié sur dénonciation, d'ailleurs, d'un ancien coéquipier de Lance Armstrong, Floyd Landis, pour fraude dans l'usage d'argent public, parce qu'il faut rappeler que US Postal était financé au moins de 30 millions de dollars par US Postal, donc par le gouvernement américain, qui d'ailleurs dit réclamer peut-être le triple de la somme, et paraît-il que déjà Armstrong s'est engagé à rembourser une partie de cette somme et de ce qu'il a gagné. Alors on peut se demander pourquoi donc avoir... Parce qu'en plus, Oprah dit « j'ai pas payé pour cette entrevue ». On peut peut-être en douter dans ce marché de dupes, parce qu'ils se sont quand même rencontrés secrètement à Hawaï pour régler tout ça. Ensuite, on s'est retrouvés dans un hôtel luxueux à Austin, et puis on s'aperçoit qu'il y a sans doute des conditions préalables qui ont été posées, et notamment le visionnement de cette espèce de show qui va être découpé en deux parties. Déjà, le magazine Forbes parle de plusieurs millions de dollars de retombées pour Oprah et son show, parce qu'elle l'a découpé en deux, 1h30 demain et 1h vendredi. Je vous dis qu'en ce moment, le Super Bowl, là, c'est les 30 secondes, c'est à peu près 4 millions de dollars. On n'est peut-être pas loin du compte pour une exclusivité comme celle-là. Tout le monde en parle de cette histoire-là, même ceux qu'on n'attend pas. Hein? Ouais, alors ça, c'est fabuleux. Même le Wall Street Journal. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce qu'on va parler de chiffres? Non, pas du tout. C'est carrément bien Dorothy Rabinovich, qui est prix Pulitzer, tout de même éditorialiste donc de Wall Street Journal, qui aujourd'hui fait un comparable intéressant, et c'est l'éditorial principal hier, en fait. Et on parle de rédemption et de pardon, et ils disent que Armstrong pourrait s'inspirer de Chuck Colson. Alors, les plus vieux se souviendront que c'était l'homme de main, en fait, de Richard Nixon dans l'affaire du Watergate. Ouais. C'est lui qui avait fait 7 mois de prison quand il a avoué. Et en sortant, il a fondé un organisme chrétien qui vient en aide, je vous le donne en mille, à la reconversion des détenus. Bien sûr. Alors, l'éditorialiste donc du Wall Street Journal dit, eh bien, que Armstrong devrait se lancer lui aussi sur la voie de la rédemption. Il dit, les Américains, dit-elle, sont inclins au pardon, et elle continue en disant que même si le jugement final appartient à une autorité supérieure, Armstrong devrait pointer à sa fondation et continuer à aider les cancéreux. C'est peut-être là sa rédemption, et qu'il devrait s'inspirer de l'exemple de Colson, qui marche maintenant sur la route terrestre vers la respectabilité. En conclusion, en fait, si Armstrong voulait jouer un jeu qu'il ne connaît absolument pas, celui de la vérité, il aurait fait face d'abord à son public en direct. Et le passé, Michel, est souvent plein d'enseignements. Qui n'avoue rien, confesse tout. C'est un extrait du livre de Victor Hugo, L'homme qui rit. Et quelle curieuse coïncidence, L'homme qui rit est un film qui sort présentement sur les écrans avec comme acteur principal, je vous le donne en mille, Gérard Depardieu. C'est fou comme le monde est petit, mais dans cette histoire, rira bien qui rira le dernier. Depardieu Armstrong, même combat. Merci beaucoup, Robert Frosi. Au revoir. Il n'y a pas de midi sans vous et sans vos commentaires. À Allons maintenant à Washington, où le président Obama a dévoilé tout à l'heure les mesures qu'il veut faire adopter pour réduire les violences commises avec des armes à feu. Il était accompagné du vice-président Joe Biden, qui lui a remis un rapport sur le sujet après avoir consulté la semaine dernière toutes sortes d'acteurs, des familles de victimes à la National Rifle Association, le lobby des armes à feu, mais aussi les grands magasins qui vendent des armes, toutes sortes de monde. Bref, notre collègue Manon Globinski, correspondante de la radio de Radio-Canada à Washington, est avec nous. Manon, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le président propose exactement? Il y a autant des lois que des décrets là-dedans. Voilà, il propose d'agir sur ce qui existe par décret. 23 décrets, on pensait 19, je pense qu'on avait dit, hein, on est rendu à 23. Et on vient d'avoir la liste, Michel, ça va de choses très pratico-pratiques. Par exemple, améliorer la façon dont les États partagent l'information sur les vérifications d'antécédents. Mm-hmm. À des choses qui sont presque révolutionnaires compte tenu de ce qui ne se fait pas en ce moment aux États-Unis, c'est-à-dire habiliter le Centre pour le contrôle des maladies, le CDC à Atlanta, à faire des recherches sur la prévention de la violence par les armes à feu. Alors, ce CDC se voit refuser par le Congrès des fonds pour faire cette recherche, Des recherches sur les blessures par armes à feu, par exemple. Pas nécessairement les statistiques, mais par exemple l'influence des jeux vidéo sur la violence armée. Alors, on ne fait pas du tout de recherche aux États-Unis là-dessus. Le Congrès refuse systématiquement de financer ces recherches du CDC. Donc, voici ces 23 décrets de Barack Obama, des décrets d'ailleurs qui seront contestés par certains. On pourra probablement y revenir. Et il y a des mesures législatives, qui dit législative dit Congrès, et un Congrès qui n'est pas nécessairement très bien disposé par rapport à ces questions-là. Mais donc, M. Obama, comme prévu, propose un retour de l'interdiction des armes d'assaut. Ouais. Et des magazines donc de plus de 10 cartouches. Et il dit aussi qu'il faut généraliser les vérifications d'antécédents à tous ceux qui achètent une arme. En ce moment, aux États-Unis, seuls les vendeurs licenciés qui ont des permis de vente font ces vérifications d'antécédents. Et donc, 40 % de tous les achats se font sans vérification d'antécédents. Dans des foires d'armes à feu ou à des transactions personnelles. Là, ouais. Et puis, il y a d'autres mesures intéressantes, des mesures pour réduire le trafic des armes à feu en disant qu'on va être plus sévère envers ceux qu'on appelle les hommes de paille, ceux qui achètent pour revendre à des criminels. Et il y a aussi, M. Obama demande, il y a une facture, là, 500 millions de dollars, dit-on, au bout de tout ça, pour remettre plus de policiers dans les rues, éducation dans les écoles, là, des conseillers scolaires, et aussi, bien sûr, tout le volet de la santé mentale, là, oui, où on dit qu'il faut que les professionnels de la santé mentale soient plus aptes à dépister. Est-ce que toutes ces mesures-là auraient pu empêcher le massacre de Newtown? C'est pas évident, ça. Non. D'une part, tout de suite, on dit non. Bon, on sait qu'il s'est servi d'un semi-automatique, d'une arme d'assaut, mais en même temps, c'était sa mère qui se l'était procuré, cette arme, tout à fait légalement. Donc, même l'interdiction, même de meilleure vérification des antécédents, par exemple, et l'interdiction pour Adam Lanza de se procurer une arme n'aurait rien empêché. Bon, bien sûr, l'interdiction des armes d'assaut dans ce cas-là, oui, mais il faut préciser que M. Lanza avait aussi deux pistolets avec lui et l'interdiction des chargeurs extra-larges aussi aurait probablement ralenti la vitesse à laquelle M. Lanza a tué ses enfants, mais en même temps, pas nécessairement empêché la fusillade. Mais en même temps, il faut garder en tête que le président Obama essaie pas juste de s'occuper des armes d'assaut, il veut aussi intervenir sur les armes de poing parce que, dit-il, les armes de poing, ça tue finalement pas mal plus de monde que les armes d'assaut dans des tueries qui sont peut-être plus spectaculaires, mais des meurtres par revolver, par arme de poing, là, ça arrive tous les jours aux États-Unis. Ah oui, c'est sûr. Il y a 38 meurtres en moyenne par jour aux États-Unis et 87 morts en moyenne donc par jour par arme à feu. C'est une plaie, et c'est une plaie beaucoup plus dans des villes comme Chicago, par exemple, où les gangs armés sont, euh, sont vraiment très puissants. Là, vous parlez des armes de poing. Il n'y a rien de précis hein, dans ce que M. Obama, en tout cas dans ce qu'on a vu là, à venir jusqu'à maintenant, qui s'attaque aux armes de poing. Sinon, justement, de dire qu'on veut s'attaquer au trafic des armes et donc aux armes que les criminels peuvent se procurer. Et aussi, bien sûr, renforcer toutes les mesures autour des responsabilités des propriétaires d'armes à feu. Donc, comment ils doivent garder leurs armes et quand ils sont victimes de vol, justement, jusqu'où va la responsabilité des propriétaires d'armes à feu? Il y a une grande partie de ces choses-là qui se font par décret présidentiel, mais il y a une encore plus grande partie qui doit passer par le Congrès. Et là, c'est pas gagné d'avance. Non, ben même, je vous le disais, là, même pour les décrets, c'est pas gagné d'avance dans le sens où il y a des élus qui remettent en question même la capacité de M. Obama d'agir par décret. Là, il y a un élu républicain à la Chambre des représentants, Steve Stockman du Texas, qui parle même de destituer M. Obama parce qu'il procède à ses 23 décrets. Ouais. Lui, M. Stockman, il propose d'ailleurs un projet de loi pour lever l'interdiction de porter des armes dans les zones scolaires. Donc, on sent là, que son point de vue est un peu alimenté par la National Rifle Association, qui proposait d'ailleurs la même chose après la tuerie de Newtown. Et sur l'aspect législatif, je ne vous rapporterai que les propos de Harry Reid, qui est quand même le leader de la majorité démocrate au Sénat. Monsieur Reid s'est montré très tiède sur l'idée de ramener cette interdiction des armes d'assaut au Sénat. Il dit, il faut être réaliste, là, au Sénat, on va faire ce qu'on pense qui peut ensuite être adopté par la Chambre. Et donc, on n'est pas sûr qu'on va même voir discuter cette question de l'interdiction des armes d'assaut sur le plancher au Sénat. Et les deux mesures semblent vouloir être ensemble, hein, l'interdiction des armes d'assaut et l'interdiction des chargeurs extra-larges. Comme quoi, aux États-Unis, c'est le président qui propose et c'est le Congrès qui dispose. C'est le Congrès qui dispose. Madame Lebensky, correspondante de la radio de Radio-Canada à Washington, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Hélène, il y a un jeune homme qui harcelait des personnalités connues sur Twitter qui a connu sa peine ce matin. Oui, et là, on revient au Québec. Ça se passait ici. Il a été connu sous le pseudonyme Jeff Sabre. C'est un internaute, début vingtaine, Jean-François Champagne, de son vrai nom. Il avait cet été plaidé coupable à des accusations de menaces et de harcèlement. Il avait harcelé plusieurs personnalités québécoises sur Twitter, dont Guya Lepage et Véronique Cloutier. Et donc, ce matin, la Cour lui interdit de fréquenter les réseaux sociaux. Il devra aussi faire des travaux communautaire et il est sous probation pour 2 ans. Donc, oui, c'est vrai, quand on lance des choses sur Twitter, ça a des effets aussi dans la vraie vie. C'est un peu le message que ça peut envoyer à certaines personnes. Il s'est, lui, excusé auprès de ses victimes. Il promet qu'il a compris et qu'il ne recommencera plus. Donc, voilà la Cour qui interdit à quelqu'un de fréquenter les réseaux sociaux. Je ne sais pas si ça s'est vu souvent au Québec. Moi, c'est la première fois que je lis ça. Moi aussi. On va aller rejoindre Marie-Louise Arsenault dans son studio de Plus on est de fous, plus on lit. Bonjour Marie-Louise. Bonjour Michel, vous allez bien aujourd'hui? Je vais très bien. Et vous, qu'est-ce que vous allez bien, je suis certain, puisque votre émission commence. Alors, oui. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Alors, c'est la question de l'actualité littéraire à Islamabad, capitale du Pakistan. Oh. On sait, Michel, qu'il y a beaucoup d'agitation politique au pays, mais les gens lisent, continuent de lire à travers tout ça, notamment un roman qui est très populaire là-bas. On va en parler aussi. Il sera question de la poésie des talibans. Il y a une anthologie qui a été publiée au Pakistan très récemment et qui soulève une certaines controverses, on comprendra pourquoi. Avec Alain Farah, nous continuons d'explorer les grands classiques de la littérature. Aujourd'hui, une auteure japonaise du 11e siècle, Shei Shonagon. Avec notre collaborateur, le journaliste Dominique Tardif, il sera question du premier roman de Jian Gomeshi, que l'on connaît, collègue de la CBC. Le roman s'intitule 1982. Et en compagnie de notre collaborateur, Pierre-Luc Brisson, nous allons parler de Cicéron, personnage politique est très important, Michel. Oui. Oui, de la Rome antique. Tout ça après les informations. Pas de midi sans info. Merci beaucoup, Marie-Louise. Merci, Michel. Alors, bonne journée à vous. Alors, c'était Pas de midi sans info pour ce mercredi 16 janvier. Merci à toute l'équipe. Merci, Hélène Mercier. Ça fait plaisir. À demain. À demain, 11h. Alors, l'équipe de Pas de midi sans info, aujourd'hui, c'était à la technique Martin Lavoie, à la recherche Hélène Bédard, Christophe Guillon, Moustapha Merouani, Amédi Alaoui. L'émission est réalisée aujourd'hui par Robert Lamarche, assisté d'Andréane Tremblay. Ici Michel Séauger. Nous, on sera là à 11h demain matin. On espère que vous y serez aussi. Au revoir.